Je fais un test d'enregistrement. Fait que là, Milter, parle-moi un peu dans ton micro, voir. Je parle présentement dans mon micro. OK. Puis ça marche-tu dans ton micro? Je ne sais pas. Toi, c'est ce que tu peux me dire si ça marche? Ben, je vais te dire ça dans pas long. Moi, Éric, parle donc dans ton micro un peu, voir. Oh, shit, fuck. Calisse, les gars. La musique était forte. Calisse, Milter. Okay. Moi, ça va très bien. Puis toi? Guy, focus. Je suis en mode la vie de la lentille. Parce que ça. Chris! Hey! Focus, Esti! Je suis en mode solution. Ok, good. T'as dit que c'était flou? Soit en mode micro. Ok. Micro, bon. Solution. Fait que là, tu parles, tout est correct. Bon, donnez-moi 30 secondes. Mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast, un humble émission de balado-diffusion québécoise francophone sur les sujets d'actualité geek et non geek, animé par un barbu de la Rive-Nord. J'étais sûr que c'était moi, Carlis. Ben, animé par un barbu. Enfin, j'anime, Ouais, quoi. Ok. T'es-tu à l'aise avec ça? Oui, je vais le prendre. Est-ce que je t'insulte en disant que t'es non-gendré co-animateur? Non. Ben, okay. En dirait que tu dises « Yel ». Yel? Quand tu parles de moi. C'est quoi? Il, Yel? C'est comme il et elle mis ensemble. Yel! C'est pas la chanteuse pop française? Oui, mais elle, ça s'écrit Y-E-L-L-E. Yeah, c'est juste Yel. Puis elle chante « C'est à cause des garçons ». Tabarnak. Puis il y a trois hindous qui font la tectonique. Il y a trop de barbus. Dans le clip. Il y a trop de barbus à Rive-Nord. Il faut qu'on dise Rive-Nord-Ouest puis Rive-Nord-Est. Puis il était aussi avec un non-barbu d'Hochelaga. C'est ça. Puis un semi-barbu de Villeray? Villeray. On dit ça? Un semi-barbu? Non. On va dire un barbu en éternel changement. Oh! Genre, hey, t'as besoin de couper ce soir? Non, parce que des fois, je la laisse pousser, des fois, je la coupe. Puis je suis comme pas, tu sais, je suis comme un pas branché. Je sais pas. Hey, à soir, j'ai le goût qu'on starte le show. On va se présenter comme d'habitude, mais on va faire de quoi? On va faire un hommage à nos amis les geekers. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode des geekers. Puis j'ai l'impression qu'il va en avoir un dans pas trop long. Il va en avoir un dans pas trop long. Il est pas release encore, il s'en vient dans pas long. Je tiens encore à ma job. Il y a un montage, il a dit qu'il dure 6 minutes et demi. Des approbations auprès de tous les vice-présidents de son entreprise. On va tout, tu sais, à chaque niveau. Un hommage au geeker. Exactement. Fait en réalité, mon nom est André Paquette, humble animateur. Ce soir, je m'abreuve auprès d'une alchimiste Indian Pale Ale, succulente et à moitié entamée, accompagnée de Jonathan Milter. Bonjour. Salut Joe. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Fait que là, on fait comme des geekers. Je bois une Pabst Blue Ribbon. Ça fait longtemps que les geekers n'ont pas été en nombre. Non, mais on fait comme les geekers, c'est qu'on arrête de faire des shows là. Ouais, c'est ça, on disparaît dans l'oubli. On disparaît dans l'oubli, puis on fait comme si rien n'était. Ah, calice, c'est chiant. Accompagné également d'Éric Hébert. Bonjour André, mon nom est Éric Hébert, et ce soir, je suis en train de boire une succulente Saint-Ambroise, achetée 2 pour 1 à 5. Il est à 2 pour 1, pour vrai? Je dis 2 pour 1, mais c'est les paquets de cannes de Saint-Ambroise, 2 grosses cannes pour 4,99. Shout-out à Capsule Bière, un groupe Facebook qui doit penser que ça, c'est la meilleure bière au monde, ça. OK. C'était beaucoup d'informations. Ben, c'est cool, non? C'est ce que c'est, là, checker Capsule Bière. On va voir si j'adore lurker cette place-là, parce qu'il y a des gars qui trippent bien sur les de la bière. Mais, tu sais, moi, tu sais, la place que tu sens juger si tu dis que t'aimes la course. Là. Mais ils sont tous écœurants, ces gars-là. Là. J'adore leur passion. Hey, on va voir si Guillaume va parler avec autant de passion de sa cacane. Fait, accompagné également de Guillaume Amel. Hey. C'est le top de ça du début. J'ai une question avant de faire ma présentation. André, à quel point est-ce que tu veux que je sois wrong pour commencer le show? Donc, t'es au collectif, hein? Donc, je bois en ce moment un liquide qui a été acheté pour encourager les riches juifs de Montréal. La Seagram Iced Tea Lemon. Sacrement, ça sort d'où, ça? Seagram est une compagnie fondée par des juifs de Montréal. Ah, d'accord. Qui sont fucking riches. Donc, des Montréalais. Ah, fait que la famille Seagram, c'est à Montréal. Yes, sir! J'ai aucune idée de ça. Avec les Bronfman, puis toute la gang de Game of Thrones incestueux. Brosman, l'acteur? Bronfman. Charles Bronson. Ouais, mais les Bronfman, là, c'est pas comme une secret society, ça, avec un crest. Les Seagram et compagnie aussi, puis tu peux mettre toute l'autre gang. Okay, ben anyways, whatever, mais... Westmount Crew, shout-out, Seagram. Je me désassocie de tout ce que Guillaume dit en ce moment. Mais non, c'est un essai, comme vous le savez peut-être pas, ou que d'autres savent, je ne bois pas de bière. Donc, pour faire comme tout le monde et suivre la culture populaire du peer pressure alcoolisé, je me suis pris une petite canette qui, en passant, moi aussi, j'ai eu un 2 pour 5 piastres. C'est comme le terme, les 2 pour 5 piastres, ce soir. Non, mais les 2 pour 5 piastres, en gros, moi, j'adore ces 2 pour 5 piastres-là. J'ai coupé énormément dans la bière dernièrement. Puis là, c'est comme une soirée gâterie. Là, je m'en suis pogné deux, même j'ai hésité pour un bout de temps. Mais quand je vois les Saint-Ambroise à 2 pour 5 piastres... Mais... Moi, j'ai vu l'alchimiste à 6 pour 8 piastres. J'ai comme le goût d'être encore un peu wrong, je te dirais... Sacrement que je vais t'éditer au montage, ça n'a pas de sens. En passant, j'ai juste oublié, guys, je dois scanner ma Saint-Ambroise. T'es-tu rendu sur Untappd, là? Mais non, je voulais juste dire, non, André... Non, je l'ai scanné dans MyFitnessPal pour compter mes calories. Juste pour te dire, André... 186 calories, je sais pas si tu savais, mais je suis vraiment en forme à soir. Ouais, ça paraît pas pantoute. Pantoute, c'est que je voulais juste commencer en force. Tu sais, comme faire sortir le pu. Comme tu sais, les vidéos que Jean-Philippe Descaries-Mathieu écoute, là, tu sais, l'affaire dégueu que tu pèses dans le dos, puis ça sort du jaune. Donc, t'as pas vu celui que le gars se rape le du pied? Bouton, comme... Non, mais ouais, moi, ouais, moi, je suis pas ben tête dans ces affaires-là, mais je vais juste comme faire sortir le pu, puis après ça, je me dis, ça va être relax, ça va bien aller. Mais il y a comme plein de choses que je peux pas dire qui font en sorte que je suis comme full primé, mais un jour, ça va sortir, comme le pu, puis vous allez savoir pourquoi je suis full primé aujourd'hui. Ouais, le fidget spinner, c'est la Switch. Je viens de comprendre, ok. Ouais, j'essaie juste de revenir au home pendant que Guillaume parle de son histoire depuis. Bon, fait que maintenant qu'on continue avec le show. Bon. Oui, on est là. Là, guys. Je me dis de faire comme les geekers. C'est que j'ai frappé fort. Et Dieu sait que tu as livré la marchandise. Libre à moi d'apprendre de mes erreurs ou du succès des auditeurs. Fait que, guys, on va se faire un bon show à soir. On va se faire un show. On va avoir du fun. Ça va être vraiment cool. Mais avant ça. J'aimerais dire aussi que les gens dans le stream Facebook en ce moment. Tant que vous restez là toute la soirée, le dernier qui est là, dans le stream, on donne $1,000,000. Il y a 38 personnes. On exclut la personne qui parle. Non, mais ben on, dans le sens non, que inclut, c'est pas vrai. On inclut seulement la personne qui parle, pas c'est les ça, autres. C'est ça. $1,000,000 de Monopoly. Mais il y a déjà pas un million. En fait, Seagram va nous hook up, là. C'est good, merci. Attends, mais Milton, il y a de l'air. Il y a pas de chat, là? Ouais, il y a un chat. Non, dans l'autre écran? Ah non, je ne l'ai pas mis sur l'autre, finalement, parce que... Parce qu'on voyait le Facebook, là. Non, j'ai comme économisé dans la strength et la chaleur de la place. Fait que il y a comme juste un ordi qui marche, fait qu'on devrait être... Je savais pas qu'on avait... Hey, guys! Ça fait longtemps qu'on n'a pas été la gang ensemble. Yes. On va réchauffer un peu l'ambiance. Oh oui. Podcast tonight. Oh oui. On va faire un tour de tabarnak qui a de la grande forme. C'est lui qui commence en passant. Ouais, c'est ça, c'est lui qui va commencer cette semaine. Ok, on s'en va dans deux ans. J'ai tellement d'affaires, non? Que tu vas parler en cinq minutes. Je vais me grouiller le plus possible, fait que coupez-moi pas trop. Ok. Pour commencer aujourd'hui, et je parle en cette date du... Je sais même pas, on est quoi, le 8 août? On est ça? Le 9 août. 9 août. Ben, ça a été comme mon cher ami et collègue O'Shea Jackson Sr., aussi nommé Ice Cube, en 92, elle dit « Today was a good day ». Parce que je me suis réveillé, ben hier soir je me suis couché plutôt, avec un message d'un ami qui s'appelle Marc Charon, qui a eu, parce qu'il était administrateur de la page de Pat Vaillancourt Memes, il a reçu un message d'une personne de source très très très fiable, je dirais pas qui, comme quoi, Monsieur Patrick Vaillancourt, comme certains connaissent sur Internet comme étant Voldemort, ou un de mes ennemis web numéro un, que je peux dire dénonce pour des plein de fraudes, des malfaisances et de plein de cossins depuis plusieurs années. Et hier, quand Marc m'a contacté, c'était pour me dire que Pat avait été condamné à 18 mois de sentence en collectivité à cause qu'il a volé un gars, en gros, 125 000$. Son cousin? D'un gars de fibrose kystique. Kystique. Kystique, ouais. La kystite de fibrose kystique. Exact. Et... c'est ça. C'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est là, la fibrose kystique. Puis c'est triste de se faire frauder par Pat Vaillancourt en plus. Surtout de 125 000$. C'est pas 100$, là, c'est ça. Fait que ça m'a fait du bien, puis c'est le fun de voir que j'ai pas dit ça dans le beurre pendant plusieurs années pour que rien n'arrive. Fait que je suis comme content. Fait que c'est ça, shout out à Pat, tu mérites qu'est-ce qui t'arrive. Sinon, mais non, mais c'est vrai, disons-le. Là. Écoute, tu sais, c'est facile longtemps que je n'entends parler de ce gars-là, puis c'est jamais en bien, puis c'est tout le temps louche, puis c'est tout le temps ambigu. Tu sais, je vais quoter ma grand-mère et probablement deux tiers des grand-mères du Québec. Quand tu craches dans les airs, ça te retombe dans la face. T'as les mollets qui enflent. C'est ça qu'elle t'a dit. Je pense que j'ai mélangé deux quotes. Mais. Ou ta grand-mère est. Et pas toute là. C'est un sinon, c'est quoi l'autre? Tu pisses contre le vent, ça te revole dans la face. Ça te rentre dans la bouche. Non, je pense qu'il y a de la visite qui arrive à la maison. C'est... Mais encore là, je mélange peut-être. Il y a une inconnue qui va cogner à la poste. Sinon, ben c'est ça, c'était mon affaire de bonne journée. Rick, t'as un appel, est-ce que tu veux le prendre? C'est mon petit frère, j'ai t'as dû un petit le frère? Refuser. Sorry, Mick, si t'en regardes. T'as un petit frère? Ouais. What the fuck? Pour de vrai? Ouais, ouais, j'ai un petit frère. Je vous dit, le saviez, vous autres? Non, moi, je savais qu'il y avait une sœur. Moi aussi. Non, mais j'ai déjà dit que j'avais un petit frère. Ça, c'est tout un autre sujet. Tabarnak. Okay. Bon, ben, épisode 97, wow, on parle de la famille Eric. Hey, ça nous aurait pris 5 ans à apprendre que non, t'as un frère. Non, je l'ai dit, c'est juste été passant. Tu l'as dit ça à brosse? Ou... Sûrement. Ben, okay. Ouais. Beaucoup de nos conversations sont ça. Hey, les gars, en passant, j'ai un frère. Fait que Milton? C'était ça, c'était quasiment le même qui l'a dit. J'ai un frère, fait que là... OK, sinon... Je sais pas si ça paraît, mais j'ai eu une opération au nez il y a deux semaines et demie environ. Ça doit affecter ta respiration parce que ta voix est pareille. Mais je t'entends moins respirer dans le micro. Hein? Ça t'a aidé, ouais? Oui, oui. Hey, man. Si tu savais là, comment que maintenant je peux respirer par le nez. C'est quoi le nom de cette opération-là? Une septoplastie. Septoplastie. C'est le septum, dans le fond. D'accord. C'est un agrandissement des parois nasales. Fait que, en gros, ils t'endorment puis ils drillent des nouveaux sinus avec une genre de drill qu'à la place d'une mèche. Mèche encore, là? Non, mais c'est de l'électricité, genre, qui tourne super vite. Fait que, Rick, ton petit frère, il t'appelle, je pense. C'est tellement qui est bien en feu. Fait que, en gros, c'est ça. C'est, moi, j'ai une fait question. Opérer, c'est cool, sérieux, faites ça. Est-ce que tu sens plus? Est-ce que tu sens comme plus les odeurs ou c'est juste une question de volume d'air qui passe? Je te dirais à date une question de volume d'air qui passe, mais ça fait pas tout à fait 3 semaines. Puis on dit qu'à partir de 3 semaines, 4 semaines peut-être, c'est là que tu sens parce que dans le fond, dis-toi, ils m'ont tout brûlé l'intérieur des sinus, puis ils m'ont percé les trous dans les sinus que j'avais pas pour se rendre au bout, si on peut dire. Fait que... Il faut que ça guérisse, faut que je nettoie ça avec des affaires de reins sinus puis whatever. Ça doit être la partie plus fun. Sérieux, ben ça fait du bien en crise, sérieux là, dans un sens là, ça te vide ça parce que tu peux pas te moucher la première semaine, fait que tu capotes là. Ouais. Mais en même temps pour le monde qui était comme moi ou qui sont comme moi j'étais, le médecin il dit ah ouais tu vas voir tu vas être bouché pendant une bonne semaine comme faut là, c'est comme t'étais déjà bouché avant, c'est comme ouais, c'est ça là, c'est bring it on là, moi ça fait 36 ans je respire pas du nez, fait que en gros c'était ça. C'est cool, sérieux, si vous avez des problèmes de sinus ça vaut la peine. Je sais que vous n'avez pas une assurance ou ouais c'est l'hôpital là, qui m'a, j'ai pas rien payé. Il a fallu que tu fasses prescrire une opération, c'est plus de faire, ben je suis allé voir un comment ça s'appelle, un otorhino-laryngologiste, ouais, un ORL, c'est exactement ça. Moi je cherchais 3 lettres, toi d'avoir le terme un ornithorynque, ouais ça là. Puis non mais il était cool mon gars, mon ORL, fait qu'il m'a checké ça, nanana, il m'a passé des gens de, je l'avais dit au dernier podcast, il me rend des gens de caméra, si on peut dire, dans le nez, là, assez cru, puis c'est juste weird, il te parle, puis il te rentre de quoi dans le nez, puis t'as l'impression qu'il te gratte le cerveau ou de quoi, puis il fait comme, oh oui, c'est bouché, puis il pique en même temps. Lui, il est heureux de savoir que c'est bouché. Ouais, non, mais t'es comme tabarnak, je viens comme pour ça. J'ai une job, là, tu sais, mais en gros, c'est ça, là, fait que moi, j'ai dit oui, puis là, il fait de quoi pour tester, ils vont faire des scans, là, tu sais, le style d'affaire qui tourne autour de toi, là. Ah, faut pas que tu bouges. Ouais, ben, t'es couché, puis tu rentres dans un tuyau, là, ouais. Quelque chose de même, là, ouais. Il te pose ça, il te scanne les sinus, puis après il fait comme ah ben oui, c'est bouché, je vais t'opérer. Fait que te croire sur parole. C'était pas assez, ça. J'imagine. Non, mais parce que tu sais, d'un ordre logique des choses, qui. Ben, malgré qu'il y a peut-être du monde qui aime ça avoir mal dans la vie, mais qui bullshitterait? Après, genre, excuse-moi, mais j'ai vraiment le goût de me faire driller dans les sinus. Ben, et pour de son souffrir. Cas, il arrive pas mal le matin, là, ma femme est en train de me fucking crisser dehors. j'ai un problème, je ronfle tout le temps. Ben, ça, me, ça ma ça. Femme, elle m'a dit que ça allait aider beaucoup aussi. Moi, je m'en rendais pas. Je ronfle. Je devrais peut-être y aller. Bon. Parce que ben, c'est con, mais c'est peut-être ça. Mais les breathe right, arrête. C'est pas toujours ça. C'est pas juste les sinus, ça peut être l'affaissement du palais puis plein d'autres affaires. Mais moi, ça l'a aidé beaucoup, en tout cas. Dans le fond, je respirais juste pas par le nez. Même aujourd'hui, quand je suis retourné voir mon médecin après le check-up d'après opération, c'est comme j'ai dit, je trouve ça fucké parce que j'ai le nez débouché, mais je respire pas encore par le nez. Ben, le réflexe de respirer par la bouche, ouais. C'est ça, physiquement, j'ai le réflexe de respirer par la bouche. Fait qu'il faudrait que. Il dit, ah, tu vas voir un moment donné, ça va revenir. Là. C'est comme, ok. Mais quand je dors. C'est lettre, ça marche. Ben, ouais. Ça serait une belle journée, en tout cas. Un peu mais... intense. Fait que. En gros, ça, c'est mon expérience de septoplastie. Nice. J'ai eu une merveilleuse. Non, c'est pas vrai, c'était pas merveilleux pantoute. J'étais allé au cinépark. Saint-Eustache. Cool, non, man, t'as pas. Quatre ben, enfants. Ouais, t'as pas... Calme-toi, Rick, là, je comprends. Là. Rick, y a même pas de Wi-Fi. En plus, t'es au cinéma Saint-Eustache. Peux-tu plus boire une bière et fumer? Pas de bière. Pourquoi t'as pas apporté de bière? Parce que, tu sais, c'est un mardi. Je travaille dans le char. Ouais, mais okay. Tu chauffes pas après. Demain, au cinéma. Il est pas demain, là, il est là, puis il dit c'est un mardi, je travaille le lendemain. Qu'est-ce que tu fais là, là? Je me. Ok, laisse-moi finir. L'affaire, c'est pas rien que ça, là. On est allé au cinépark, oui, mais il y a deux films au cinépark. Oui. Fait que le premier film, c'était Emoji Movie. Ah, oh, tu l'as vu? Oui. Oh. Et le deuxième film, c'était Spider-Man. Hein? Sauf okay, que... Spider-Man, il est malade, mais les peux-tu kids... finir, Rick? Il dit 5 minutes après, tu sais... Yeah, on est allé voir Emoji Movie, mais ma femme, elle me dit... Moi, j'ai dit, Chris, ça va commencer tard, là. On est l'été, là. Il fait soleil pendant un bout. I wish, man. Ma femme, elle me dit, ah, j'ai checké à ce soir, le soleil, il se couche à 8h40. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe à Saint-Eustache. Mais il se couche pas à même heure, là-bas, le soleil ou de quoi, parce qu'il était comme 9h30, puis le film, il était pas commencé encore. Fait que là, ah ben non, c'est pas vrai, il commençait vers 9h30. Fait que là, j'étais là, puis je check l'heure, là. J'ai dit, hey, que je vais aller voir sur Internet, pour le fun. Pas les critiques, parce que j'avais déjà entendu dire que c'était le pire film au monde. Fait que je m'y dis, je ne peux que trouver ça bon. Parce que le monde ont blasté Suicide Squad, j'ai trouvé ça bon. Ils ont blasté Ghostbusters, j'ai trouvé ça non, bon. Mais c'est ils ont blasté... tes attentes sont barres. Sur une échelle de 0 à E-Man de movie, mettons, Emoji de film. Masters of the Universe. Il est un peu en dessous de tête, mais il y a l'effet nostalgique qui joue pour moi dans E-Man. C'est peut-être ça. Ce sont peut-être côte à côte en quelque part. Là. Okay. Mais en tout cas, en gros, là, c'est le film, il a duré 1h30 puis il a fini à 11h. Puis là, j'ai fait, je vais checker Internet en même temps pour voir Spider-Man combien de temps il dure. Il dure 2h15. Fait que là, je me dis, le film va commencer à 11h30, 15 minutes de preview, 2h15. Je pars de Saint-Eustache dans le tas de petites BS qui sont là dans le char pour partir à 2h du matin, je travaille demain. Je disais à ma femme, on calisse notre camp. Là, je vais péter une coche. Là, déjà que le film était pourri, on voyait rien. Le son, c'est de la merde. L'écran est tout croche. Fait que, c'était, en plus, c'était Emoji Movie. Là. C'était vraiment pas bon. Là, je m'ai surpris à regarder tel père, tel flic. Deux, là, au loin. Là, un père. Changer de poste de radio. Non, genre, ça bougeait le char. Je suis juste regardé au loin. Puis j'ai fait, Chris, ça a l'air bon. Puis on s'entend que. En tout cas. Fait que, en gros, c'est ça. Emoji Movie, sérieux, c'est film animé pour enfants à une thématique adolescente avec des jokes d'adultes. Fait qu'il y a Patrick comme Stewart personne qui fait une voix là-dedans. Ouais, il fait le ton de marde. Mais pas en français. Non, pas en français. En français, la emoji, la seule que j'ai reconnue. C'est pas Xavier Dolan là-dedans. Je pense que oui. Attends. Il y a Anne Dorval. Anne Dorval. Joël Legendre doit faire une voix. Probablement, mais je l'ai pas reconnu. Mais le emoji me, la mère dans le fond, me, c'est Anne Dorval. Fait que c'est Anne Dorval dépressive. C'est Anne Dorval, carrément. Faut qu'on donne du gros crédit à la scène artistique au Québec, où ce que tu vas avoir du gros pétage de brou avec Xavier Dolan et Anne Dorval qui font des films arty, qui passent à Cannes et tout. Sont les premiers à vendre leur âme pour faire la voix dans des Emoji Movie. Ouais, tu penses qu'ils financent ces films? Ben justement. Ben c'est ça. Puis dis-tu quoi? Je pourrais faire la joke, en rire un peu, mais justement, cet argument-là, c'est l'argument que j'ai rien à dire. Je ferais pareil si personne voudrait subventionner mes films, moi non plus. Si Guzzo t'aimait pas à faire. C'est ça. Hey, on s'entend, j'aurais fait le tas de marbre gratis. Hein. Donne-moi même pas un café. En français, peut-être. Là, mais... Dans ton CV, après, j'étais le tas de marbre dans Emoji de film. Le pire sur film Rotten Tomatoes de depuis. Mais en tout cas, non, mais c'était vraiment depuis pas bon. C'était pas drôle. C'était pas. Allez pas voir ça. Mais même qu'à gratis là, sur super écran. Là, cool. Vaut pas la peine, pas en tout. Et. Tabarnak, t'en as sneaké un dernier. Mais non, non, c'était mon plus important. Ça va être le plus long. Fait que c'est Emoji de Movie que t'as sneaké, mon calice. Oui, le pire, oui. J'ai pensé tantôt, j'ai fait Chris, c'est vrai, j'ai eu une astuce de soirée de marde mardi passé, moi, à cause de ça, ce film-là. Mais. ça peut faire même mon prochain check base. J'ai tout calculé là. Préparez votre segway, guys, parce que je le sais qu'à quelque part. Moi j'embarque dans pas long. Ben c'est ça là. Ok, ben éteins ton segway. Parce que moi là, je joue en Chris à Fortnite ces temps-ci. Toi je sais que tu joues PC, toi je sais que t'as moins de temps. On pourrait jouer ensemble, Joe. Mais je sais pas comment. Mais moi j'ai joué au début. C'est toi qu'il faut que tu crées la game, faut que tu me rajoutes dans tes friends avec le Epic Account. Là, tu peux m'inviter dans ton party. Sacrément, ça a l'air compliqué, mais ouais, on va essayer. On l'essayera, man. Oui, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est écœurant. Puis c'est carrément tu sais, du tower defense, co-op, class-based. Aucunement comme Left 4 Dead, comme plein de critiques disent, que je ne cache même pas pourquoi ils disent ça à part les zombies. Parce que c'est aucunement avance. Ouais, tabarnak, ça ressemble même pas à Left 4 Dead. Ben, c'est ça, là. Il y a ben, plein de monde qui disent... Je pense que le design des zombies... non, c'est Plants vs. Zombies. Attends un peu. Sur ce concept-là, on pourrait dire que Fortnite ressemble à Ice Hockey. Ouais. T'as des mecs qui ont des petits moyens qui sont pas pires, des petits gros qui ont de l'endurance. Ouais. C'est comme Ice Hockey. Puis de temps en temps, t'as un gros boss, là, ou ça, quoi. Ça, exact. Mais non, mais en gros, c'est ça. Puis là... Le grinding de Destiny, Division, puis de tous les astis de jeu qui te mettent des couleurs à tes guns. Là. Ouais. Puis en plus, il y a un card collection game inclus, mais ils te le disent pas exactement, mais ils te le cachent. Ben, genre. Appartez un peu là-dessus, là, parce que mon actualité, c'était Fortnite. Fait que, ben, c'est ça, je veux, dire, avec je veux juste dire que c'est écœurant. Là, c'est fucking bon. Trip, en tout cas. Puis on en stream une couple de fois sur la... Voyons, la page du collectif. Ben, en fait, pas la page, mais sur le Twitch du collectif. Si tu follows pas le Twitch du collectif, tu passes à côté d'une couple d'affaires quand même assez écœurantes. C'est quoi donc l'adresse? Twitch.tv/GCPodcast. Oh. Mais en réalité, Fortnite, moi, je joue en Chris pas mal à ça. Moi aussi. Puis la seule affaire, c'est quand le monde me dise sur le stream, « Hey, explique-nous donc, ça marche comment, le jeu? » Sans suivi d'un... c'est simple, chaud. Puis là, je l'explique après, je fais... Mais c'est ça, Twitch. « Hey, écoute, ça marche de même. T'as une game, là, t'as les affaires que tu trouves, c'est des cartes. Mais là, tu peux les mettre dans tes squads, puis là, ils ont des cartes de personnalité. Ils ont des attributs de personnalité, des attributs qui te donnent. La personnalité doit matcher pour avoir un bonus. Puis là, t'as des niveaux de cartes, des niveaux de telle affaire. Mais tu peux ça, faire c'est compliqué à expliquer de même. Mais c'est pour ça. Fait que là, j'explique, puis là, je me dis, « Chris, man, j'ai ça, l'expliquer, je veux là. » Mais il est le fun. C'est juste qu'à chaque fois que je l'explique, le monde font c'est un peu comme genre quand tu dis hey je vais dropper ma job je vais aller à l'école de l'humour puis ta famille elle te regarde et elle fait ah ok lâche pas tu sais genre ils comprennent pas mais ta mère te regarde comme pareil ouais. Ta mère te regarde puis elle dit ben j'ai pas vu ton post qui dit que l'école t'a accepté ben c'est ça exact t'sais, t'as pas bragué que t'étais à l'école de l'humour calice mais en réalité là regarde Fortnite moi je joue sur PC premièrement qu'est-ce qui est fucking nice, c'est que j'ai 60 frames secondes, puis je... Non, je niaise. Mais non, en réalité, premièrement, c'est un vieil ordi. Fortnite va marcher bien dessus. Je dis vieil ordi de 4-5 ans. Là. Ça prend une Radeon 7... Oui. Puis ça prend 8 gigs de RAM. Puis un vieux processeur. Mais en réalité, le gars, c'est super simple. Tu payes 39 USD ou l'équivalent sur Greenman Gaming ou peu importe. $82 canadiens. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que quand tu l'achètes, ou tu peux l'acheter sur Xbox Live Marketplace aussi, la seule affaire que j'aille ça, là, ça c'est fucking chiant, puis c'est une affaire que j'ai été déçu, surtout venant de Microsoft, c'est que tu l'achètes sur Xbox Live Marketplace, tu l'as sur Xbox, puis tu l'as parce sur Windows PC. Parce qu'ils maximisent leur cash. Mais c'est ça, mais c'est ils Epic. Ils maximisent leur cash. C'est pas Microsoft, c'est Epic le problème là-dedans. Non, mais c'est un problème peut-être, mais ils maximisent leur cash en ce moment. Parce que ça va être free-to-play, ce jeu-là. Là. Sauf que... C'est un early access, cette affaire-là. Ben exact, tu payes parce qu'ils pour ont un early access. Confirmé que ça va être free en 2018. Là. Exactement. Fait que tu sais, en réalité, là, c'est... qu'est-ce qui arrive qui est cool, c'est que tu as un PS4, puis tu as un PC, tu achètes ta licence. Fait que tu achètes ton droit de jouer au early access. Puis tu peux downloader le client sur PC ou sur PS4, puis tu peux te loguer, puis quand tu te logues, tu as linké tes ID, ben tu sais, je peux aller jouer dans le salon pendant que ma blonde a dit « Je vais te regarder jouer un jeu », puis là, je joue dans le salon, puis je fais comme « Ah, si je m'en ai mon clavier et ma souris pour ce jeu-là », mais il joue bien pareil. Je trouve ça super bien. Mais ça va super bien, mais une shot à jouer au PC, c'est juste plus facile parce que tu as plus de pitons. Les menus, il y a, tu sais, c'est pas genre gauche, left, right, puis t'as l'affaire. Il est bien adapté, mais j'ai plus d'aisance sur mon ordi avec le clavier souris. Mais le jeu, il est juste cool. Tu sais, c'est un loot-based game. C'est comme pogne le crafting de Rust Minecraft Ark, pour ceux qui ont joué à ça. Tu peux te crafter des bases. Mélanger avec World of Warcraft. Mélanger avec le art style de World of Warcraft, puis le loot de World of Warcraft, puis Borderlands. Puis rajoute le mode Horde. Horde, H-O-R-D-E, pas W-H-O-R-D-E. Pas Horde. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais, le monde, ça mélange facile. On connaît notre auditoire. Mais les deux font vendre. Mais les deux font vendre, fait que c'est correct, tu sais. Mais le mode vague d'ennemis qu'il y a dans Gears of War Epic. Oh. Tout le monde qui suit. Link. On est correct. Fait que, en réalité, c'est ça. Puis là, t'as du crafting là-dedans. T'as des cartes. T'as du loot. Puis si je veux juste mentionner là, que si vous êtes là, comme moi un peu, puis OCD, là, ben, le building, puis le crafting, le building, puis le farming pour aller builder, je sais pas combien de petites missions de merde que je fais avec du monde que je connais pas. Ben, c'est pas des missions de merde, mais je parle juste pour le fun. Je refais une mission avec des gens que je connais même pas. Je farm comme un débile, je remplis tout le stock le plus que je peux. Quand j'ai fini la mission, moi, on va tout construire dans ma base pendant 15-20 minutes. Ça. Moi, j'ai fait même du farming, parce que t'as la map. Tu peux faire play qui t'amène home tout le temps dans tes missions, mais t'as la map que tu peux choisir les missions que tu vas faire. Moi, je fais des missions de farming aussi. À un moment donné, là, ma base est rendue l'équivalent d'un peu de Stargate Atlantis, où j'ai déployé mes shield expander, puis là j'ai fait des bâtisses en métal autour, des palissades. Max Gagnon, qui fait le collectif avec nous autres une fois de temps en temps, il est embarqué dans ma map, puis la première affaire qu'il a dit, c'est Saint Tabarnak. Vraiment, là, tu sais, dans ma tête, j'ai comme un engrenage qui a parti, qui a fait comme clic, clic, clic, abusif. Puis là, j'ai fait comme, il y a un ennemi qui passe par là. On va mettre un mur, un piège, des pics, des affaires de même. Oui, j'ai même plus de place. Là, dans, y a comme, je suis rendu à ma deuxième ville, si on peut dire. Puis la première, je l'avais comme botché parce que j'apprenais les affaires au début. Puis c'est quand que je jouais avec Mathieu Thériault, un gars Matla Geek, Matla QC. Jouais avec, puis je suis rentré dans sa game un moment donné, puis j'ai fait un peu comme Max s'est fait avec toi, j'ai fait tabarnak, j'ai dit pourquoi je fais pas ça, moi, des affaires. Moi, je construis juste des petites cabanes de rien autour avec des petits murets, puis au début. Puis là, quand j'ai catché le crafting, j'ai fait comme toi, là. Puis tu sais, quand tu dis le shield, là, le dôme, là, ben il te limite, hein, tu sais, un moment donné, il te limite. Ben là, je suis rendu dans ma deuxième ville que je peux plus builder. Genre, c'est moi déjà? Je suis comme, déjà, j'ai passé, j'étais retourné peut-être 10-15 fois dedans là, avec des backpacks full, là, puis je construis tout. J'ai même commencé à construire des bâtisses auto, des generators que j'ai même pas encore comme. Ouais, ça, j'avais fait des gates, moi, justement, pour faire genre, quand je vais le crafter, ça va déjà être fait, je vais savoir sécuriser. Mais en gros. C'était cœur, hein, moi j'adore en tout cas. Tu sais, là, les opinions sont partagées un peu sur le chat. T'as du monde qui dit, j'ai déjà vu du monde streamer, puis tout le kit. Moi je stream pareil parce qu'il faut que je stream une couple de fois pour garder notre affiliate status. Moi faut que j'y pense plus. Mais quand je joue, honnêtement, c'est pas je trouve que c'est pas le genre de jeu à streamer, par exemple. Tu sais, autant que je regarde des streams de Minecraft, là c'est une opinion personnelle, mais regarder quelqu'un streamer Minecraft, c'est plate. Regarder quelqu'un jouer à Albion Online, c'est plate. Regarder quelqu'un jouer à un MMO qui est pas dans un battleground ou en train de faire un raid abusif puis qui fait juste se promener pour fermer du coton, pour faire une chain mail de whatever, parce que le coton donne des chain mail. Je trouve ça plate. J'aime mieux regarder quelque toi, chose. Ça, parce que c'est pas en général. Mais ça dépend de la personnalité. Quand je regarde du streaming, je vais aimer du compétitif, je vais aimer quelque chose qui a de l'action, mais pas quelqu'un qui flambe dans le jeu, parce que je vais mais le faire si mon la personne est intéressante puis elle parle. Ben, tu vois, il y a ça aussi. Fait que, tu sais, il y a pas de dans le chat présentement qui dit j'ai regardé un gars streamer un peu, il a été déçu, puis moi, ce que j'ai vu, je l'achèterai pas. Mais c'est sûr, si tu regardes quelqu'un qui a pas aimé le jeu, ça se pourrait que tu l'aimes pas aussi. Moi, ce que je te dirais, c'est... Mais faut le maîtriser, je trouve, au début. Tu fais tes 4-5 premières missions, commencer à catcher, puis quand tu commences à vraiment checker les guns, comment les monter, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis que tu te sets un but, là, c'est là que ça devient vraiment... C'est comme Gilmore Girls, dans le fond. Là. Exactement. Tu regardes les trois premiers, puis tu dis, ben non, mais c'est pourri. C'est comme Breaking Bad. Tout le monde, hey, Breaking Bad, c'est excellent à partir de la saison 3. Tabarnak. Non, mais t'es le premier, toi, à dire que c'est de la merde, ça, d'abord, mais je veux pas l'écouter. Non, je dis pas que c'est de la merde, je dis juste que j'ai pas le temps d'écouter deux saisons pour me rendre à la troisième. Ouais, si je commence à la troisième, je vais rien comprendre. C'est comme quand j'ai acheté l'expansion Mist of Pandaria, puis... Une des meilleures expansions. J'ai payé pour l'expansion, puis j'avais pas joué à World of Warcraft depuis, puis là, ils sont comme, hey, free level 80 upgrade. Je me crée un bonhomme, je le mets level 80, des skill points un peu partout, là, ça a l'air le fun, le kit. J'ai joué 20 minutes, j'ai fait caler, je comprends rien, faudrait que je reparte au début. J'ai essayé de repartir au début. Où je veux en venir avec ça, c'est que Fortnite, honnêtement, ils m'ont envoyé un sondage pour me dire comment trouves-tu le jeu, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ça c'est quand même cool. Puis c'est la première fois que j'ai pris le temps de répondre à un sondage. Fait que moi je vais boucler là-dessus. Mes 2 cents sur Fortnite. Fortnite, c'est un excellent jeu, mais la learning curve est trop haute. C'est trop long, je trouve. Tu sais, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, faut que t'aimes ça. Fait que si loot t'aimes ça, si construire t'aimes ça, tu vas embarquer dans Fortnite. Au début, tu vas peut-être le trouver long un peu, mais tu vas avoir du fun. Fait que la learning curve, je la trouve trop haute. Comme tu dis, Milter, tu sais, avant que tu comprennes le système de cartes, avant que tu comprennes le crafting, avant que tu comprennes les squads, il y en a en crise du avant que tu... Il y a bien des affaires. Fait que ça, ça ferme un peu le truc. Une des recommandations que j'ai apportées, puis Epic qui écoute le chat, puis en fait qui écoute le podcast constamment, vont prendre notre opinion comme du cash, mais j'aurais suggéré de mettre des raids dans le jeu. Tu sais, des affaires que tu rentres, là, mettons, là, puis un peu comme l'émission dans The Division où tu as des étapes, tout le kit. Fait que tu starts une map, tu rescues des survivors, tu builds du shit, tu t'offres, t'avances, faut que tu construis. Tu sais, de mettre de quoi de challenger. Il parle déjà de faire des genres de raids en gang aussi. Fait que ça serait super bon. L'autre affaire qui m'a gossé un peu, c'est fucking long, mais t'as des progressions d'ennemis. Fait que tu sais, tu commences, puis t'as les husks. Là, maintenant, t'as les gros. La manette, t'as les filles qui pitchent leur tête. T'as les gros qui pitchent les cannes à la chose. Là, t'as les joueurs de baseball. Puis là, ça fait très Plants vs. Zombies. Une shot, t'as passé ce stade-là. Là, t'es rendu avec des fucking grosses abominations, des mist monsters, des mimics, tu le quittes. C'est long un peu avant qu'ils les implantent. Fait qu'en réalité, là, c'est un esti de bon jeu, mais ça prend du temps avant de l'aimer puis de l'apprécier. Ah ouais, c'est un jeu de grinding, carrément. Destiny, Division, à son sens, je trouve. Là. Ouais. C'est un jeu, il faut que tu aies 25 heures à mettre dessus. Minimum, puis là, tu vas avoir du fun encore ici. Ouais. So, moi, c'est un jeu que j'ai été très hype pour voir. Puis quand tous avaient pre-order, je m'en ai pas embarqué dedans au début. Mais quand j'ai commencé à voir le début du jeu, j'ai tombé en amont avec le jeu. J'ai joué direct au Early Access. J'ai joué une 3-4 heures à peu près. Puis il y a besoin d'arrêter. Pas à cause que. Ben, les menus, j'ai trouvé vraiment fucking intense. Ouais. Puis j'avais d'autres choses qui se passaient. Mais j'ai compris du début que ce jeu-là, il était incroyable. Ben, il est bon, mais il est intimidant. Il est intimidant au début, mais il est très, très, très, très, très bon. Ce que personnellement, il m'a aidé beaucoup, c'est j'ai joué beaucoup avec des chums en ligne pendant plusieurs soirs, un après l'autre. Puis on s'aidait. Puis on s'expliquait des affaires. Moi, je leur ai expliqué à un moment donné comment que toutes les squads fonctionnaient, justement. Là, comme tu disais, mettre tes gars avec les affaires quand j'avais tout catché ça. Puis l'autre, il m'explique les transformations. Puis c'est là que tu fais comme, oh, OK, ouais, je fais ci. À la place des retire, je vais faire ça. À la place des recycle. Oui, ouais, c'est ça. Fait que là, en tout cas, on s'est aidé de même. Le côté social aide beaucoup. Je dis pas que j'aurais joué à ce jeu-là tout seul autant. Ouais. J'aurais peut-être pas trippé autant seul. Ça, c'est un, mais la communauté un gros est le fun. Point. Mais la communauté est le fun. Tu peux faire des quick games avec des inconnus, puis les inconnus vont être cool aussi. Puis ils parlent, puis tout. Là. Ouais, c'est ça, exact. Sauf que les chums, c'était... C'est plus le fun en chum, c'est toujours plus le fun en gang. C'est un jeu de coop, fait qu'il n'y a pas tant de compétition que ça. Pour l'instant, mais ça serait cool d'avoir un système compétitif là-dedans. Mais je verrais la formule Clash of Clans là-dedans, moi. Ça a l'air weird à dire. Mais j'attaque ton château, t'attaques le mien. C'est genre, ça, puis... genre, où est-ce que t'envoies des petites vagues. Soit ça, ou sais-tu quoi? Je vois un mode, genre, à la StarCraft, en third person, où ils créent deux équipes sur une map, 4 contre 4. Là, il y a une phase où... Ben, en fait, il n'y a même pas de phase. Ils dropent sa map, il y a des ressources limitées. Faut que tu partes, t'harvest les ressources en te défendant puis en tuant les autres. Fait que, mettons, toi, vous autres, vous êtes une équipe, moi puis Guillaume, on est une équipe. Tout est en train d'harvest, j'arrive, je te kill, je pique ton loot. Chacun, je retourne, faut qu'on protège notre affaire. Une base, te quitte. Ça serait. Mais la base là. Du jeu est là et est en place pour faire bien d'autres choses. Il va y avoir du stock qui va sortir avec ça. Ouais. Fait que Fortnite, honnêtement, c'est 40$ pour l'essayer. Je pense que la porte d'entrée est un peu élevée, mais en 2018, il va y avoir du fun à avoir avec c'est ça. C'est trop cher, puis t'as rien à dire. Comme j'ai des pas mettre d'argent dedans. Mets-en pas dedans. Puis en 2018, il va être free. Mais d'un autre côté, je pense la version. C'est-tu la version 59 ou la version 89 qui te donne deux clés d'accès? 89, t'as trois clés, c'est je pense. C'est ça, exactement. Puis 120, t'en as quatre. Fait qu'au pire, tu te mets à gang, tu payes la version 89. Puis t'as tout plein le monde de bonhommes de plus, 30, 40 des guns, puis des affaires. Là. Puis tout le monde a accès au jeu. C'est ça. Puis vous avez des affaires de plus. Fait que ça devrait être cool. Fait que c'est la fin de mon actualité qui, en même temps, conclut l'actualité de Milter. Ouais. Je crois. Ouais. C'était toute ton actualité. Moi, c'était juste mon actualité. Ben, en fait, dernière affaire. PlayerUnknown's Battleground, first person shooters. Film. sont cool. Ouais. C'est juste cool. Genre first person, c'est vraiment écœurant, l'immersion. C'est vraiment écœurant, la rage que t'as. PlayerUnknown's Battlegrounds, ils ont sorti des first person servers, dans le fond. Fait que that's it, c'est mon actualité. Guy ou Eric, qui veut... Je vais y aller, moi je vais y aller. Fait que moi, justement, Fortnite, quand ça a sorti, j'étais là pendant le Early Access Hype et tout ça. Puis je me suis bien amusé au début, mais c'est pour ça que j'ai passé à d'autres choses, parce que une affaire qui se passe... salut Sean Paul, Alex. What's up, Alex? So, j'étais embarqué un petit peu dans Fortnite, mais après ça, j'ai déconnecté, parce que dernièrement, j'ai fait un gros trip de Forza. Je suis très hype pour ma télé 4K et mon Xbox One X. Mm-hmm. Puis je me suis acheté Forza à 30$, un gros kit pendant la Summer Sale. Puis j'ai juste rembarqué là-dedans. Mais c'est aussi une continuation un petit peu de mes aventures comme paysan de console, on pourrait dire. Dernier show que j'étais dedans, j'ai manqué le dernier avec Max, mais il y a de quoi qui se passe de ces temps-ci parce que j'ai pas d'ordi, puis je vis la vie de console. Mais il y a des bons moments qui arrivent là-dedans. De un, Fortnite en early access, tu vois, PC et tout le monde. Puis on peut même, ils ont même figuré comment faire jouer avec du monde. Fait que tu sais, t'es console gamer, tu sais, jouer ici, t'es plus si déconnecté que ça. Ouais. Puis en plus de ça, je suis un esti de paysan. Puis paysan en plus de ça, paysan de console. Mais des beaux moments, là. Exemple. Mon beau-frère Martin, shout-out à Martin, c'est sa fête aujourd'hui. Sa fête aujourd'hui, c'est bonne fête, Martin. Ouais, super de bon Jack, mon futur voisin, mon futur partner dans la vie un peu. Là, il sort avec ma belle-sœur, puis nos femmes sont proches. Fait qu'on hang out tout ensemble. Puis l'autre jour, je vais chez eux, puis je dis, il a vu que j'ai posté des photos de Forza, bizarre comme ça. Puis je pense qu'après ça, il a vu qu'il était en spécial avec Forza Horizon 2. Fait qu'il se l'a acheté, puis il dit, hey, j'ai acheté Forza. Je suis comme, nice, on va jouer. Puis j'arrive chez eux, puis moi j'adore jouer des split screen en course. C'est quelque chose qui me fait capoter ben raide. C'est Gran Turismo 2, j'ai joué ça fait longtemps. Tu peux voir quand il va te rentrer dans le cul. Ben il y a ça, là, mais si tu sais comment conduire, vous êtes respectueux, ça fait des belles courses. Mais moment de console gamer qui m'a fait capoter, j'arrive chez eux sur sa Xbox One, je log in sur mon compte, puis j'ai mon garage. Pareil comme si je serais chez nous. Sorry, mais ça c'est un petit moment que pour moi, comme gars qui a été élevé sur du Gran Turismo avec ses chums, aller là-bas, hey, moi, ma collection de chars est meilleure, ça fait comme ça. Puis je sais que ça fait un bout que c'est de même. Mais j'ai jamais vécu ça vraiment de manière si smooth. Puis j'ai adoré ça. Tout d'un coup, boum, j'avais mes chars, mes decals, mes designs. Ah, c'est cool ça, man. Puis on a joué une couple de courses ensemble, puis on a aimé, puis on va en jouer bien plus. Puis aussi, dans ma continuation d'aventure de console gamer, ça faisait longtemps que moi, j'avais joué au PS4. J'ai une PS4. En fait, elle attend spécifiquement Gran Turismo whatever qui s'en vient parce que j'étais un fan des jeux de course. Mais là, j'ai la PS4 qui est là, puis elle avait toujours Spotify. Mais ils ont sorti Spotify sur Forza, ben sur Xbox One hier, je pense. Pour remplacer fucking Groove Radio de Mac. Ben Groove, c'est une affaire. J'ai jamais utilisé Groove. Moi non plus. Mais j'étais rendu que j'utilisais SoundCloud pour streamer des sets de DJ, des affaires comme ça quand je joue à Forza, parce que la musique dans Forza 6, en fait, la musique dans les deux Forza derniers est absolument atroce. Ça, je suis pas d'accord pour Horizon 3. Non, Horizon, ça n'a aucun rapport, là. Moi, je te parle de Forza. Motorsport 5 et 6. Okay. Ils ont décidé, puis Horizon, c'est moi, puis Milter, on vient de connecter, là. Parce que Horizon 3, t'as le Vagrant Record, puis l'Epitaph Record, là. C'est ça, là, Horizon. Comment il fait déjà le SCI, là? Bon, so, Forza Horizon, c'est pas la même game. Forza Motorsport, dans les deux derniers, ont décidé de faire des affaires orchestrales, enregistrées par une symphonie quelconque. Puis c'est comme pour vivre la dramatique, puis vraiment vivre sur les sons des moteurs de char. C'est un gros respect, là. Le détail des moteurs de char est là, puis c'est bien. Mais moi, tu sais, j'étais un gars de Gran Turismo, puis j'aime jouer des jeux de course avec de la musique. C'est encore liste des réalistes de char. Tu veux juste un jeu de course. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Un bon jeu de course. Puis là, Spotify est sorti. Comme Mario Kart. Oui. Puis la première chose que j'ai faite avec Spotify de sortie hier, c'est que j'ai fait jouer du Power Man 5000. Ben oui. Puis qu'est-ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai embarqué dedans. Puis mon Spotify, j'ai trouvé la... En fait, c'est drôle quand tu connectes ton Spotify sur Xbox. En plus, tu ouvres l'application. L'application te dit, yo, si t'as un cellulaire avec Spotify, ben connecte-les sur Wi-Fi. Puis login. Fait que là, tu login, puis ça dit choose devices. Là, tu vois ta Xbox. Là, t'as juste la Xbox. Ce que tu peux faire, c'est Spotify avec n'importe quel device. Pas, ben oui. Non, moi, je le fais d'un cellulaire à un autre cellulaire. Tu vas rien m'apprendre que c'est un cellulaire. Cellulaire Inception, Eric. Connecté, là. tu vas pas me faire ça, là, je le sais. Mais sur la Xbox, ça faisait longtemps. Mais sur la Xbox, je l'ai fait avec Twitch, avec Netflix, avec YouTube, tout ça. Non, c'est pas une compétition. Okay, okay. Je parle juste de mon expérience. Non, je pensais que c'était pour nouveau. Moi. Pour moi, ça l'était, oui. Okay. C'est-tu correct que c'était nouveau pour moi, les gars? Tu l'avais pas fait, ton YouTube? Ça, c'est comme fait que c'est comment un YouTube? Fallait je mettre un code. Oui. Fait que c'est comment un racing du Natacha Saint-Pierre? En fait, c'était pas du Natacha Saint-Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les playlists. J'ai mis les playlists de Gran Turismo, Carlis. Gran Turismo 2. T'aimes ça vivre dangereusement, toi? Puis je jouais à Forza avec la playlist comme de la musique de Gran Turismo 2. Là, il y a les lunettes qui arrivent du coin de la cam qui font genre... C'était tellement fun, là. Moi, je fais jouer à la playlist de Gran Turismo, man. Fucking... Tout à j'adorais ça. J'ai vraiment capoté. Fait que ma vie de console gamer est pas pire. On le sait, de toute façon, quand t'as lu Armada, tu sais que... La playlist, c'est important pour les high scores puis être capable de... Ah ben oui, c'est clair. Quand on a eu les gars de Donkey Kong là, qui ont tout pété les records à Arcade MTL, il y avait tous des écouteurs et ils écoutaient leur shit. Ils écoutaient tout du Rush. Ouais. Ils écoutaient la playlist de Mario Kart. Puis en continuant sur ma vie de console life... Fait que là, je continue ma vie de console life... J'ai rien compris. Moi non plus, si ça peut être consoler. Les autres, ils se trouvent drôles. Tom Sawyer, quand tu joues à n'importe quel Donkey jeu. Kong. Autism mode activated. Moi, j'ai plus que le Ball Wizard. Mais... C'est le seul moment qu'écouter du rock, c'est acceptable. Ouais, j'ai vraiment dit ça. So, encore ça de ma vie de console gamer, puis votre trip de rush. Chris, c'est un band canadien. C'est un rush de rush. C'est mon vieux rock canadien, Eric. Chris, Galilee. J'ai eu la chance, à cause de ma job que j'ai à Arcade MTL. Mais Arcade MTL, je DJ, j'anime les soirées là-bas. Je porte une casquette. Je porte une casquette en ce moment. Mes cheveux s'en viennent longs, mais j'aime ça, ma casquette. Puis, mais à cause de ma chance de ça, on a eu une chance, nous autres, c'était moi ici, à Arcade MTL, on fait... un mois de Nintendo Switch. Nintendo nous ont donné plein de shit, puis on va avoir des tournois de Nintendo. En passant, le monde sur le stream, c'est demain. Le monde qui écoute le podcast, c'est dans 3 ans. C'est Tev là 2 mois. C'est Tev là longtemps. Ouais, mais je sais à quel Montréal va être encore ouvert. C'est moi qui ai gagné. Puis on a eu une chance d'avoir une Switch. Puis à cause de ça, moi, en plus de ça, Dom, Papa Cassette, il me dit, Eric, on a une Switch qui rentre. T'as veux-tu pour tester? Puis moi, j'avais jamais joué à Switch. Puis j'ai dit, ouais, je vais l'apprendre, parce qu'en plus de ça, je vais pratiquer les jeux, les 1-2 Switch, des affaires comme ça. J'ai pas eu vraiment la chance de jouer pour planifier les tournois, parce que demain, en plus de ça, c'est 1-2 Switch. Mais on a eu notre premier tournoi vendredi passé de Ultra Street Fighter 2, qui était absolument écœurant. Mais je veux plus parler pour mon expérience de la Switch, que j'ai pas vraiment hate depuis qu'il est sorti, j'ai juste jamais vu l'utilité pour moi. Puis je reste sur ça, j'ai aucune utilité pour une Switch en ce moment. Mais, asti, c'est une bonne console. Je peux pas dire le contraire. Mais le problème, c'est que je trouve que... Tu as dit que c'est une bonne console. Console, exemple, c'est une bonne de salon. Ben ou c'est ça un peu le qu'est-ce que je vais apporter à la table. Fait que la Nintendo Switch, c'est la nouvelle console de Nintendo que tout le monde s'est sortie. Tout le monde en achète. Elle est bien populaire. Ça va très bien pour Nintendo, en fait, avec ça. Mais j'aime vraiment mon expérience que j'ai eue depuis que je l'ai. J'ai essayé plein de jeux. Je m'amuse avec le Milter. Ils sont pas allés montrer à la caméra, Milter. C'est ça? Ouais, c'est celle-là. Ouais, tu peux la glisser dessus. Non, oh, que... attends, fais le bruit proche du micro. Il paraît que si tu la mets à l'envers, t'es fucked for non, life, genre. Correct, là. Mais c'est pour ça. Mais attends, tu vas voir le sujet. I'm a pro, là. Attends. Ouais, c'est ça. Case de marketing. J'ai eu la chance de vivre quand même avec depuis. Demain, on est les tournois. On va rester au bord après. Mais j'ai quand même eu une bonne expérience avec. J'ai joué à Splatoon, j'ai joué à Ultra Street Fighter, j'ai joué à des jeux d'Ultra Street Fighter dans le jeu. Tu joues à Skyrim? Il est pas sorti encore Skyrim. J'ai pas eu la chance de jouer à Zelda, mais éventuellement je vais pouvoir. T'as-tu Minecraft? Il y a pas Minecraft. Non, j'ai rien acheté. J'ai juste les 4 jeux que Nintendo. T'as-tu joué à Zelda? Hein? Non, j'ai pas joué à Zelda. T'as pas joué à Zelda? Non, j'ai joué à Link. Non, j'ai pas joué à Link non plus. Mais fuck, je me suis amusé avec. J'ai eu des moments, tu sais, les sixties de moments que tu voyais dans la publicité, là, vraiment kitsch. Le gars, il va promener son chien, puis il oublie que son chien est dehors. Ça, c'est une chose, mais la fille qui apporte l'affaire sur le top de la building. T'es allé dans le Myland, sur le top avec des hipsters pendant un party de ta gueule. T'es jamais dans le meilleur quartier à Hochelaga, dessus notre balcon chez nous, avec une belle vue de la Winnipeg, qui est la ruelle dans notre cour au duplex. On était en haut chez mon beau-frère, ma belle-sœur. Puis on a joué à Switch, à Mario Kart, à quatre manettes, avec une vue dehors en buvant. C'était fucking hot. Pendant que les enfants se faisaient taxer. Jouer à 4 sur un écran de combien de pouces? Ben, c'est tout petit, c'est ça l'affaire. Okay. C'est petit l'écran. Là. Je suis tout seul puis je capote. Je pense que c'était un 10. Bon, c'est un 10, je m'en calisse. C'est pas grave. Puis, qu'est-ce qui était hot, c'est que j'ai vu ces moments-là. Street Fighter, je jouais avec mon beau-frère sur le balcon à jouer à Street Fighter. On a eu un barbecue staff en famille. En famille, Arcade MTL. On a eu un beau staff de barbecue. Puis, moi puis les gars, on jouait à Street Fighter avec nos petites manettes dessus la table de pique-nique. Avec le soleil qui couche pendant que le monde y joue à pétanque. C'était écœurant. Est-ce que j'en achèterais une, là? Non. Mais c'est quelque chose que cette console-là va... Si Nintendo, si cette infrastructure-là reste... Parce que je trouve que c'est ça le vrai combat des consoles en ce moment. Microsoft, eux autres, étaient les premiers, puis je sais, je me répète, mais Microsoft était les premiers à vraiment miser sur une infrastructure 100% intégrée. T'as One X, ça va être un upgrade de la One, etc. Si Nintendo continue de grandir sur qu'est-ce qui vient de partir là, c'est un feeling que j'ai là, parce qu'il n'y a plus de backward compatibility, à rien, ça recommence à zéro. Si c'est continue comme ça, là, j'ai vraiment hâte d'acheter une Switch l'année prochaine ou l'année d'après. Peut-être cache l'écran. Une Switch U. Mais c'est ça un peu que je trouve poche. Nintendo, ils ont pas... message, il était pas clair. Parce que comme tu dis, c'est une console maison, c'est une console portable. C'est un PS Vita plus gros. C'est une console portable, c'est ça l'affaire. C'est une console portable. J'ai gagné contre Phelan. Qui se branche sa télé. Je vais jamais dire que c'est une console maison que tu peux te promener avec. C'est une console... portable que tu peux apporter puis syncer à ta de la mettre sur ton écran de télé tout ça. Mais c'est une Wii U, graphiquement c'est quand même très fonctionnel. Puis je sais pas pourquoi que Milter il joue comme ça, mais tu pourrais là, débranler deux manettes. Une se sync, l'autre se sync, puis on commence à New Challenger, puis ça serait tout de suite. L'expérience, je l'ai vraiment aimé. C'est juste ça que je voulais dire un peu. C'est une super de bonne console. Nintendo, ils ont vraiment fait de quoi de bien. Puis c'est ça. Je trouve ça juste poche qu'ils ont vraiment égorgé la Wii U comme qu'ils l'ont fait. Mais c'est un business choice, I guess, qu'on n'avait pas le choix de faire. Là. On s'entend que Nintendo sont pas à leur premier business choice qu'on comprend pas. Non, c'est clair. Mais pour celle-là, la Wii U qui ont juste démoli, je trouvais qu'elle méritait un petit peu plus de respect que ça. En fait, qu'est-ce que je trouve, c'est que je trouve ça aurait dû être une extension. Mais je pense qu'il y avait un problème de compatibilité avec ce qui se passait sur la Wii U. Il n'y avait pas de... Comme ça, Wii U avec le backwards, c'était rendu une Wii, bâté par une Wii. Puis ils sont pas des bons. Je sais pas qu'ils sont pas des bons programmeurs, ils font des astuces de machines. Mais je pense que l'infrastructure du back-end, c'est plus compliqué qu'on le pense. Je sais pas si j'ai c'est tort. C'est toujours plus compliqué qu'on le pense. Mais c'est ça que je me dis, moi aussi. Mais dans les compagnies en ce moment, Sony, ils sont très forts. Il n'y a rien avec... plus drôle que d'être sur un forum quelconque, franglais, sur Facebook, où ce que t'es genre. Le ticlin genre d'une ville random du Québec qui pense que dans sa tête il y a la solution à tous les problèmes de l'industrie du jeu vidéo, ouais, qui a fuck all de connaissances de comment ça se passe, ou qui dans sa tête il sait comment exemple la franchise de jeux vidéo rattachée à une compagnie quelconque, ben ils doivent tous faire faillite, puis lui il a la solution pourquoi ils font tous faillite. Ben moi c'est très important toujours que facile. je dis par contre que Nintendo, on est dans un monde où ce que le système de ton expérience de jeu va demeurer pareil. Là. Mm-hmm. C'est comme un iOS, c'est comme un Android, c'est comme, tu sais, toute mon expérience Google demeure pareil, mon expérience iOS demeure pareil, mon expérience Xbox va demeurer pareil, mon expérience Sony, whatever que le PS5 va être, si c'est pas une extension de qu'est-ce que la PS4 est déjà, s'il doit tout refaire, ça va être la grosse merde, comme, c'est de même que je le vois, là. Puis la Switch, je souhaite énormément que tout ce que Nintendo font après ça, ça continue sur toute la même lancée, ouais. C'est ça. Le même écosystème. Yes, sir. Mais faut que t'aimes les jeux Nintendo. C'est pas mal ça. Hey, Splatoon, parce qu'elle est super le fun, mais honnêtement, là, Splatoon, Street Fighter, fuck off. Là. Yeah, ben, c'est un des meilleurs Street Fighter que j'ai joué de ma vie. Milter, est-ce que t'aimes ça? Non. C'est correct, je respecte, t'as le droit. Mais juste Street Fighter, c'est de la merde jouer avec ça là, de même. Là. C'est, en fait, ça marche très bien. Mais le jeu Arms est vraiment le fun. Splatoon avait de l'air cool. Splatoon, il est incroyable. C'est ça. Là, c'est parti du OG Splatoon ou le fameux le 2. 2 c'est le 2, c'est le OG. Ok. Avec Honest plus Trailer, d'affaires. Ils ont fait un excellent Honest Trailer sur Splatoon où ce qu'ils ont dit, ça aurait pu être une extension, mais personne s'en est rendu compte parce que personne n'a joué au premier. Oh, shots fired. À part Reggie Fessemé, lui. Et, a non, mais, il est mais c'est vrai, Splatoon, c'est la un gang très d'Epic bon Joystick qui ont beaucoup joué à quand Splatoon. Quand tu dis que Splatoon. C'est un jeu de tir à la Nintendo, safe à la Nintendo. Ben oui, c'est kids friendly. Il y a du monde qui aime pas ça. Je parlais à Laurent Lassalle, là, que je parlais avec au bar l'autre fois, puis il y avait une très bonne joke. Il a dit c'est plate. Puis il est vraiment intense sur c'est pas bon. Il me dit ça le dit dans le nom, c'est plate. C'est bon. Ah, ok, ben oui. Shout out à Laurent. Shout out à Laurent. Rétro nouveau. Mais c'est, moi je trouve vraiment. Ah non, excuse, mais mélange le podcast, c'est le rétro nouveau. T'es pas le nom. Le jeu, c'est sérieux, je veux dire. Lapsus. Chantante à eux autres avec leur vidéo. Il y a pas vidéo. Assez de podcasts de jeux vidéo. Ils ont une belle grosse vidéo virale en plus. Oui, non, en effet. Joke de papa. Oui. OK, so, c'est ça mes nouvelles. André, t'es tout calme tout d'un coup. Ben, j'écoute. Il s'est fait drain. On comprend rush, pas de quoi tu... Rush the burn. Non, non, mais j'écoute. Ben, tu sais, c'est cool. C'est vrai que de toute façon, c'est rendu à mon tour de faire mes actualités. C'est que c'est bien assez calme. Owen Delièvre, Milter, il est chaud en tabarnak. De quoi il est chaud? Il est chauve. Non, il est chaud. Oui, c'est vrai qu'il est chauve en tabarnak. Non, non, mais il est chaud, c'est ça que les jeunes ils disent. Je suis quand chaud, quelqu'un ben chaud. J'ai bu deux bières, Chris. Non, non, il trouve chaud dans le sens qu'il trouve hot. Je suis beau. You know? Guillaume. Exact. Guillaume, notre traducteur de hipster stuff. Guillaume! Je commence à être habitué, j'ai un petit cul là, qui va avoir 10 ans bientôt, donc là, je commence à être tout au courant de ça. Puis j'ai écouté full de YouTube récemment. Ah, c'est t'es que chaud, comme... papa. Hein? C'est à ton tour de faire ton actualité. Oui, exact. Donc, moi, j'ai pas beaucoup d'actualité parce que il y a quelque chose qui s'en vient, puis je vais finir mon actualité avec ce qui s'en vient. J'ai écouté Arthur, le film. L'aventurier. Non, pas Arthur l'aventurier. Ah, le Pacific Rim médiéval. Exact. Ou ce que c'est un peu l'histoire du roi Arthur avec le dude de Viking. Avec les gros robots géants. C'est pas le dude de Viking. Non. C'est le dude de Sons of Anarchy. C'est pas le même gars, ça. Ben, Hellboy. Ça dépend. Hellboy. On les a jamais vus au même endroit en même temps. Mais... En tout cas, le clone de l'autre. j'ai écouté ça et je m'attendais à une marde. Mais c'est une marde excessivement divertissante. Je te dirais que dans mais l'échelle c'est des. Pourquoi c'est une marde? Non, mais dans le sens que c'est pas un bon film. Il y a comme cinématographiquement parlant, il y a aucune valeur ajoutée, il y a du cliché. Mais. Ok, fait qu'il y a personne au cégep du Vieux-Montréal qui va se masturber là. Oh non, pas du tout. Ok, good. C'est un peu c'est, disons que ça, yet again. Ça pourrait rentrer dans la même gang que The Great Wall avec Mark Wahlberg là, ou Matt Damon. Matt Damon, on les mélange les deux encore qui sont un clone l'un de l'autre. Donc ça ressemble un peu à ça. C'est du genre de un classic tale avec un genre de fantasy twist, mais honnêtement c'est meilleur que The Great Wall. Okay. Quand même divertissant. Jude Law qui joue un espèce de psycho comme d'habitude, donc ça change pas. C'est que ça, c'est ce que j'ai comme écouté. J'ai aussi profité de mes récentes nuits tardives de papa de jeune enfant pour écouter Sword Art Online, qui est un animé que j'avais fucking mis bon, dans ma liste à écouter depuis longtemps. Puis finalement, j'ai réussi à semi-binger la première saison en deux semaines environ. Depuis le dernier épisode. En effet, c'est quand même très bon. J'ai c'est apprécié. C'est bon, André? C'est fucking bon. Je m'attendais pas à grand chose, puis finalement, j'ai bien aimé ça. Puis là, il y a la saison 2 qui est disponible. C'est que je vais sûrement commencer la saison 2, pas de suite. La saison 2 est bonne, puis à un moment donné, il y a du filler. Les OVA sont comme. Un animé qui a du filler? Ouais. Ok. Mais sinon. J'ai pas vraiment écouté de. C'est quoi le gros jab? Hey, il y a du monde de Takuton, peut-être qu'il écoute, là, de te faire attaquer. Là. Oh non! Non, non, mais. Pas des gars habillés en Sailor Moon. Ou en pony. En... J'ai encore de ça, là, les. T'as qu'on est bien condescendants, ça. Mais non, mais. Mais ça doit être notre restant, les geekers de l'intro, pareil, là. Les gars des îles. Salut, Daniel. Mais non, sinon. Et dans les îles, elle. Ah, ok, salut. J'ai continué à lire Tron, le genre de reboot Trump. Du livre de Tron, Général Tron. Général Tron. Tron, T-H-R-A-W-N. Exact. Pas okay. Trump. Non, pas Trump. Ok. C'est donc le général bleu aux yeux rouges dans l'univers de Star Wars. Le personnage a été rebooté dans la nouvelle la nouveau canon. Imagine Trump bleu avec les yeux rouges. Mais on a vu Trump déguisé ou photoshopé en Reine Elizabeth cette semaine, parenthèse. Oh, ouais. Grosse parenthèse. Oui, en effet. Mais non, je continue à lire ça lentement mais sûrement. Je vais sûrement avoir de quoi à vous dire peut-être au prochain épisode, là, une genre de review officielle. Sinon, la grosse nouvelle, à court terme, il n'y aura plus de films. Je dirais plus de moyen temps, il n'y aura plus de films de Walt Disney sur Netflix. Que ce soit dans le fond Marvel, Star Wars ou les films d'animation, en fait Netflix va lancer leur propre sa sortie Disney va lancer leur propre Oui, excuse-moi, lapsus encore une fois. J'ai une nouvelle qui est tombée quelques heures avant le début de l'enregistrement. Donc, lance leur propre service de streaming. Et aussi ESPN, qui est une compagnie fille, sister company qu'ils appellent, de Disney, qui va lancer aussi leur propre streaming, qui va faire des événements live. Donc, ça s'en vient. Il n'y a pas de date officielle, ça s'en vient, ils disent potentiellement 2018-2019 selon les sites de nouvelles que j'ai trouvés. On ne sait pas encore quel impact que ça aura au Canada, étant donné qu'on sait bien, on sait que ça marche par droit de licence au niveau du Canada et des États-Unis. Mais malheureusement, si vous êtes des fans des films d'Avengers ou de Ant-Man ou de Star Wars, ils seront plus sur Netflix. Ça n'aura pas d'impact par contre sur les séries telles que Deadpool. Daredevil et Defenders. Mais ça, c'est parce que c'est Netflix. C'est des productions Netflix. Moi, je suis curieux de voir comment ils vont. Tu sais, ils vont justement faire ce mix-là. C'est surtout pour les films. Le MCU, puis là, le NetflixU, qui est comme l'autre bord. Là. Ben, il est encore. Il est considéré canon. Là. C'est considéré, ben c'est ça, MCU, c'est considéré pareil. Comme canon, mais là, le contenu de Disney quitte. Ouais, mais ça veut pas dire. D'après moi, ils disent ça va pas affecter parce que c'est Netflix collabo. Mais qu'est-ce qu'ils disent pas qu'ils vont pas produire une autre série d'un autre super-héros? En effet, mais là, on a vu aussi affaire. Cette semaine que Netflix a acheté Miller World, qui est la compagnie d'édition de bande dessinée de Mark Miller, qui est lui qui a fait. Voyons, j'ai un blanc de mémoire, ça va bien. Apocalypse Now. Non, il y avait des bandes dessinées. Voyons, ça tombe bien. Spirou et Fantasio. Non, le Against the World, le Dude Against the World. Scott Pilgrim Against the World. En fait, c'est comme une. Mark Miller a été un écrivain chez Marvel et plusieurs autres entreprises. Il a sa propre maison d'édition. Il y a des Scott Pilgrim. Il y a d'autres propriétés intellectuelles qui est sous son édition. Cette compagnie-là a été achetée par Netflix justement pour avoir accès à d'autres brands pour faire des séries à venir. Est-ce que c'est un move en fonction de ce que Disney vient de faire? Reste à voir. Mais d'un autre côté, je pense pas que Disney va dire. Parce qu'on s'attend. Netflix paye Disney pour produire des shows. C'est que je pense pas que Disney va faire comme, you know what, fuck you and your millions. Ils vont sûrement les accepter. Fuck you and your millions. Et la raison pourquoi? J'ai pas beaucoup d'actualité et j'ai pas consommé beaucoup de geekitude cette semaine. C'est qu'en fin de semaine, c'est le WordCamp. WordCamp, c'est la convention annuelle de WordPress, qui est une technologie web. C'est celle de Montréal. Ça se passe un peu dans toutes les villes. Mais en fin de semaine, c'est celle de Montréal. Et je donne une conférence dimanche matin. Donc, je vais parler de travail collaboratif, justement dans du développement web à travers différentes sphères de l'industrie. Cool. Donc, dimanche matin, je donne ma conférence. Je suis fucking stressed out. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu de pu à sortir et d'excitation à exister. De pu à sortir, c'est... Je fais des clins d'œil au début du show. Et c'est weird, Milter, pareil. Oui, je suis, mais encore. Yeah. Mais non, c'est que je passe beaucoup de nuits à essayer de finaliser ma présentation en espérant d'avoir pas l'air d'un gros loup bon avant de la salle. Mais en espérant que mes expériences de live avec le collectif puissent me servir lors d'un live devant une gang de gens de l'industrie. Fait que c'est ça, cool. C'est ce qui fait. Je suis content pour toi, même, parce que sans joke, je sais que ça fait longtemps que tu voulais donner une conférence dans ce domaine-là. Fait que c'est cool que tu aies cette opportunité dimanche matin. Fait qu'on va avoir une petite pensée pour toi. Il va être même une grosse pensée pour toi. Il n'y a pas de live stream à Montréal, malheureusement, parce que c'est juste le WordCamp Europe qui est dans un pays différent, le WordCamp Canada à Toronto qui en a potentiellement un, puis WordCamp US qui va être à Nashville cette année. C'est les trois gros. Okay. Eux, des live stream. Montréal, dans ce cas-là, ça va être à différer dans le futur. Donne-nous donc un spoiler de juste ton intro. Je peux pas. Pourquoi? Mais non, garde ça exclusif pour les gens qui payent. Mais n'importe quoi. Quand que ça sera fait, fignolé, finalisé, perfectionné. N'importe quoi. Je partagerai un détail ta avec première elle. Phrase. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. OK, whatever. Mon nom est Guillaume. Tu startes ça vraiment avec bonjour tout le monde. Ben non. Hey, salut la gang. Tu peux faire du RP québécois de Bougon ou Hey. Allô? Allô? Ça marche-tu ce micro-là? Tu fais-tu genre une affaire avec ton ordi, genre? Tu présentes? Ouais, il va y avoir des slides, là. Fais comme tous les gars, là, puis tu sais, si on fait exprès, tu sais, tu mets un porn comme « Oh, fuck, oh! » Tu sais, comme si t'as ouvert ta page, c'est un gros porn hard, là. Je sais pas. Ce serait drôle. Yeah, je sais pas. Tu sais, c'est du... WordPress, là, c'est très... T'as la chance, là. C'est très... gauchiste, c'est très LGBTQ, ABCDEF friendly. C'est très San Francisco. C'est très, oui, c'est très San Francisco, en effet. Mais je pense pas que ça vole haut. dans un, mettons, dans un geek, un geek fest, je te le ferais sans hésitation. Dans un WordCamp, I would advise against it. Tu viens de m'enlever le goût d'y aller, moi, personnellement. Là, c'est correct. Je me dis, je vais me faire crisser d'or à faire une joke de WordCamp. Une joke de WordPress. Wow. Aïe, aïe. Ben, justement, en parlant de WordCamp, le kit, là, on a un bon sujet ce soir, parce que là, on a fait le tour de l'actualité. Ça a pris, c'est pas pire. On est rapide, pareil. Honnêtement, là, on a un méchant bon sujet, c'est... Dans les dernières semaines, ben tu sais, ça m'a posé la question parce que je regardais mon sel, j'étais sur Facebook, puis là on en a parlé un peu Eric avant le début toujours de l'émission, bien mais son sel et non. Ben j'aime mieux regarder mon sel et non mes sels parce que là c'est un peu dégueulasse, puis je partagerai pas ça en public or will I. Mais fait que je suis tu peux partager l'émoji. Moi j'ai tes un sel. Quote à dire d'André que je vais toujours aimer, puis les gens vont le comprendre avec la suite, mais c'est André des fois qui va te dire te regarder puis dire I made that. Il est fait tout seul. Pendant ces belles paroles d'Éric, je pense que j'allais chercher un refill, moi. Écoute, je t'inviterais peut-être à me descendre une alchimiste par la même occasion. Ça pourrait être vraiment oh, cool. Blow Ball est un follower. J'ai vu ma face. Oh, Blow Ball! Merci pour le follow. Pour t'en voler une, André. Oui, ramène une alchimiste. Tournée d'alchimiste. Non, elle est pas... Non, t'es rendu mode acouphène, fait que tu peux te gâter quand tu veux. Je vous laisse gérer ça. Oui. Oh boy, il retourne d'un autre côté. Mais en réalité, c'est ça. Je suis chez mes beaux-parents, j'ai mon sel, je regarde Facebook, puis là, je tombe sur le Marketplace, qui est... C'est la nouvelle affaire. La nouvelle affaire dans Facebook. Ça a toujours existé. Fait un qui est le existe, sombre mais... plan moi, machiavélique de Facebook. Moi, je reçois souvent des notifications de ça. Ben, c'est ça, mais là, t'as comme un onglet où tu peux géolocaliser ton téléphone, puis mettre un range de 8 à 5 ouais, à whatever qui va être quoi proche. Puis t'as des catégories, puis tu peux voir les items à vendre près de toi. Si vous n'avez pas ça, vu ça sur votre sel, regardez présentement dans l'application Facebook, vous avez probablement accès. Fait que là, moi, je vois ça, puis j'ose avec ma blonde, puis j'ose avec du monde, puis là, je fais « Chris, The Monster Derm, thank you for the follow, c'est vraiment apprécié. » Ma face qui pop sans arrêt. La face de Milter qui pop pour les follow. Mais en réalité, c'est ça. Fait que là, on discute, puis je fais « Pilet, Pili est désormais un follower. » Bon, ben, good, merci beaucoup. Fait que en réalité, c'est ça. Fait que là, on discute, puis je suis comme « Chris, attends un peu, là. Il y a un marketplace sur Facebook. Je sais que le monde vend des items sur Facebook, fait que c'est quand même intéressant. Mais là, je me dis dans ma tête, Kijiji et Facebook. Bon, j'ai installé l'application de Kijiji il y a environ comme 2 ou 3 semaines. En fait, peut-être un mois pour essayer de regarder pour vendre des trucs. Puis là, je fais comme « fuck, il a fallu que j'installe l'application de Facebook ». Puis là, mon cerveau commence à réfléchir. Ça arrive pas souvent. Mais le cerveau commence à réfléchir. Puis là, je fais comme « fuck, attends un peu, là ». Fait que là, l'application déjà présente dans le cellulaire d'un paquet de monde donne maintenant accès à un marché. Donc, on peut... Merci beaucoup. On te voit pareil, Guillaume. On te voit pareil, hein. T'es, même si t'essaies d'être discret, ça marche pas en tout. Je cache pas le monde. Fait que là... Bon. Fait que là, il y a une compagnie qui a un site web dédié à part. Puis il y a une compagnie qui a une application qui est déjà sur des millions de téléphones avec des millions d'usagers actifs qui viennent d'offrir l'option de vendre des trucs. Et thank you pour le follow de Young Kyrie 78. C'est fait, Guy. Lâche l'ordi. Focus sur la table. Fait qu'en réalité, ça, là, t'as l'application avec un paquet de monde qui ont déjà ça sur leur cell et qui n'ont plus besoin d'aller sur Kijiji. Là, parce que toutes les mêmes fonctionnalités de Kijiji sont sur ton cell avec Facebook. Puis même que c'est plus adapté que Kijiji, parce que là, tu peux envoyer des messages directement plus sur Facebook, direct, tu peux dealer, tu le quittes. Fait que là, ben, comment je peux dire ça? Tout l'argent de... C'est quoi l'application qui est sortie dernièrement, là? Gifted, là, il y avait une application. Let là. Go. Ah, oh, let it go. Go, ouais, ouais, let ouais. Go. Let it go. Ça va. En passant, le Let Go, là, je l'ai installé, j'ai essayé de vendre des affaires. C'est... Finis-vous pas à la crise d'annonce, on s'entend, c'est du marketing, là. Ah, oh, l'affaire de... Je peux pas vendre rien en pendant d'un char en c'est venant ça, à bowling. Je mets des affaires d'ordinateur, là, pis c'est comme... T'habites où? Sacrement, c'est écrit sur une image. Oh, ouais, mais c'est la fille est à Ottawa. Sacrement, t'as mis quoi? 1 million de kilomètres dans ton range, connasse? Fait que là, t'as une start-up en plus qui essaye de développer un app pis qui se font ramasser par Facebook. Fait que là, premièrement, je veux setter de quoi de straight. Monster Derm. Caméra là. Monster Derm, merci pour ton follow. Je suis pas mal sûr qu'on l'avait dit. Mais juste au cas où qu'on t'aurait oublié. Merci beaucoup pour le follow. Écoute. Tu le mérites. T'as fait le Twitch etiquette. Le Twitch etiquette. Non, mais Chris, ce monde-là font l'effort de nous suivre. Fait que pourquoi ne pas les remercier? Merci, The Monster Derm. Fait que là, OK. Fait que check ça, OK? T'as la startup Let It Go qui... Let It Go. La Disney va nous poursuivre, André. Ben non, ils ont le droit de nous poursuivre. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, là, check. Est-ce que Facebook est en train d'assimiler Internet? T'as oublié ton come at me, bro. Oui. Ben, est-ce que Facebook va remplacer Internet à un certain niveau? Parce que là, on se posait la question, puis Milter t'a dit, « Hey, on fait ça un show pour parler du monde qui font des solutions web clients en main? » Puis j'ai parti ton idée, puis j'ai fait comme, « Calice, c'est un bon sujet. » Tu sais, des Wix ou des affaires de même. Mais attends, c'est avec qui que j'ai plein de conversations sur Facebook dernièrement. Mais on avait-tu parlé du browser? C'était pas nous autres, on a parlé du browser dans l'application. Oui, c'est dans notre chat de préparation podcast. Oui, c'est ça, là, où ce qu'on parlait de ça un on petit peu. On parlait du browser de Facebook. C'est avec de la qui marre. Que je disais là, que Facebook réussit à faire ce que AOL rêvait de faire en 96. Exactement, tu sais. Puis ce qui est malade, c'est ça, c'est que là je suis comme, Chris, à tapeur, là. Tapeur, j'adore quand André dit tapeur. Tapeur. Il y a rien de plus écœurant que voir tapeur. André écrire pour nos tapeur. Pour nos amis qui viennent. Tapeur. Ouais, pour la question du port. Pour nos amis qui viennent du vieux continent, tapeur, c'est T apostrophe A espace P E U. Ou l'équivalent de attends un peu. Attends un petit peu. Oh my god, tu vas en profondeur. C'est un gars. Peu trop. Écoute, mais... Chris, ils comprennent le caribou. Tout, eux ce autres, que, tout ce que je voulais dire, c'est quand André. Et nous, ils parlent arabe. Il dit tapeur, il y a quelque chose qui s'en vient. Shit's about to get real. Fait qu'en réalité, c'est ça. Check ça, OK? Skype, Google Hangouts, Facebook, Messenger, là t'as le market, t'as un paquet d'affaires. Honnêtement, Facebook est après à assimiler le web. Puis là, je me suis questionné en plus. J'ai dit, la première affaire que je fais le matin, ben je vais aux toilettes. Puis pendant que je suis aux toilettes, la première affaire que je fais pendant que je suis aux toilettes, je prends leur accent parce que je les écoute. Tu prends une mais photo. Je check mon Facebook, puis je prends une photo. Mais ça, c'est pour c'est mon registre personnel. Pour mon registre personnel, c'est Instagram. T'sais, hashtag I made it. Pour son médecin de famille, tu sais. Faire les suivis, là. Non, mais c'est ça. C'est que tout le monde check Facebook à une fréquence super rapide. Une fréquence. Qui est un peu, on va dire, malaisante. Même moi, des fois, je me trouve. Je suis au travail, là. Puis, mettons, je fais 3, 4, 5 lignes de code. Puis, je suis comme, oh, OK. Puis là, des fois, j'ai un réflexe. Je fais, tu sais, rapide, CTRL-T, Facebook. Je suis comme, fuck, qu'est-ce que je m'en fais? T'sais, je veux pas aller sur Facebook, mais je suis déjà en train d'ouvrir Facebook. Ben c'est ça. C'est tout le temps un de mes premiers onglets qui est ouvert. Peu importe les autres onglets, il est là. Puis Twitter, puis mes cossins de même ouverts. C'est très... ça joue beaucoup dans la psyché, ces affaires-là. Ben, c'est un peu ça. Puis là, la grosse question que je me posais, c'était... Coudonc, OK, je Google quasiment plus rien. Tu sais, je follow des sites sur... ben, des sites. Tu vois, je dis des sites. Des pages. Des pages ou des groupes sur Facebook. Facebook me feed d'informations adaptées, puis on dirait que ça baisse ma consommation web. Même YouTube est embed dans Facebook. Facebook est comme en train d'absorber tout le monde, puis c'est même pas sa final form encore. Ça marche pas à 100%, à me dire, parce que YouTube, quand je suis dans le Facebook browser, parce qu'il est sneaky. Dans l'application, là, le Facebook, c'était avec qui? Je parlais de ça avec vous autres, mais j'en parlais avec d'autres personnes. Open in Chrome tout le temps. Ouais, ben open in Chrome ou maintenant aussi open in Google, in YouTube app dans YouTube. Il est toujours mais sur le PC, tu le vois moins. Mais sur les cellulaires, quand tu vas le voir des fois, là, t'es en train de browse, puis next thing you know, t'es dans un autre site, mais t'es dans le browser de Facebook. Mm-hmm. Mais Facebook ont pas un browser, puis je disais comme Joe, pourquoi que Facebook ils ont juste pas un browser sur Internet encore comme Chrome? Pourquoi pas encore? C'est ça. Non, mais c'est super simple, puis je vais répondre à votre question de suite. Le ROI est absent. Parce que justement, les démographiques le montrent. Pour nos amis en France, retour. ROI, retour on investment, le retour sur l'investissement. Même pour moi, ça l'aide. Le plus gros, la plus grosse démographique en ce moment, qui a la plus grande croissance, c'est le mobile. Donc, Facebook, ils ont leurs stats, on les connaît pas, ils gardent la plupart des stats sont privés. Maintenant, avec le fait que ce soit public, certaines vont être dévoilées. Ils vont pas commencer à faire un desktop browser. Parce que t'as Chrome, Firefox, Opera et compagnie. Faire, parce que de toute façon, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent être capables de te tracker quand t'as ton mobile. Puis dès que t'es dans un browser, ils peuvent te tracker. Donc là, avant, t'avais l'application Facebook. Tu cliquais sur, mettons, un site, on va dire, je sais pas moi, IGN.com, un article de nouvelles. Tu te tiens dans Chrome, ils perdaient le tracking. En partie. Ils pouvaient te retracer par la suite. Mais là, maintenant... Tu cliques sur IGN.com, le share sur Facebook, mais tu restes dans Facebook. À moins que tu ailles dans ton menu d'Android dire open in Chrome ou open in whatever else. Ouais, ouais. Puis là, c'est Google qui track. Mais d'un autre côté, c'est pour ça qu'ils le font. Ils ont le retour sur l'investissement, puis les données qu'ils sont capables de capter encore plus quand tu es dans leur browser. Écoute, puis c'est. Honnêtement, puis tu sais, tantôt, on faisait une joke, là. On parlait des gens qui connaissent les solutions à tous les maux de la planète, puis que pour tout est simple, mais créer un browser sur un mobile, honnêtement, c'est un modèle. C'est super facile. Il existe des millions de librairies, le rendering de pages web. Écoute, Eric Hébert, je m'assoirais avec lui, puis pendant une fin de semaine, on aurait notre propre browser sur le App Store. Tu mais est-ce qu'il y aurait une raison? Whoa. On l'appelle quoi? Ah, mais là, ça, c'est une autre histoire. Moi, je l'appellerais. Je l'appellerais genre l'aventure de l'aventurier extravagant. Si tu veux. Moi, je l'appellerais J'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé. Ah, mais là, attention à Pat LaFrance, hein. Penses-tu qu'il a fait copyright ça? C'est ça qui serait drôle. Shout-out à Pat LaFrance, un des grands entrepreneurs du Québec. Qui est rendu, qui vend des instincteurs. Mais je pense qu'il va être au prochain Les Dragons. Comme un des dragons avec Caroline Néron. On est rendu à Pat LaFrance, pour vrai. Ouais, je parlais de Caroline Néron. Moi. Non, mais... Fait, mais on parlait de Pat. Mais on s'entend, faire un browser pour Facebook aussi, c'est que la nécessité de faire ça, il n'y en a pas. Eux autres, leur but, c'est de garder le contenu sur Facebook puis d'habituer le monde à browser sur Facebook. Fait que dans leur modèle d'affaires... Tu sais, c'est bien plus astucieux de leur part. Comment je peux dire de mettre des pubs dans les vidéos? Tu sais, je donne un exemple, ça, là, c'est rendu. Ça me tue. Hey, ça me tue, puis ça me tue en tabarnak. C'est parce qu'à Star, t'écoutes une vidéo, mettons, sur Elite Daily ou bien Lad Bible, quelque chose de même. Puis Chris, en plein vidéo, t'as une pub qui pop. Fait que là, Facebook, ils commencent à être smart, pas à peu près. Parce qu'ils ont créé même un business model où, tu sais, je vous donne un exemple, même nous autres en tant que podcast, présentement, on stream sur Twitch. Puis on stream sur la page Facebook aussi, facebook.com/geekcollective. Un petit shout-out aux 14 qui nous écoutent encore, 15 qui nous écoutent encore. Il y a 15 personnes présentement sur Facebook, puis c'est quand même cool. On est une page, on veut faire du reach, on veut publier des trucs. Faut qu'on paye des fois pour aller chercher de nouveaux auditeurs, des affaires de même. Fait que tu sais, ils ont déjà un business model qui est quand même établi, mais là, ils sont allés chercher le consommateur en faisant, ben justement, des pubs dans les vidéos, du sponsored post, des affaires de même. Ils ont même des sondages qui apparaissent, il y a un paquet d'affaires, fait que moi, ma crainte, c'est que Facebook va engloutir Internet, on dirait. Ils nous donnent-tu de l'argent pour ça, ces pubs-là? Ils nous donnent fuck all d'argent sur ça. C'est eux autres qui font de l'argent. C'est juste qu'ils te permettent d'utiliser leur service gratuitement. Mais honnêtement, j'ai bien aimé le clin d'œil qu'Eric a fait au début du segment où ce que il parlait d'AOL, tu sais. Ben oui. Nous, au Canada, on n'a pas vraiment... En tout cas, au Québec, je devrais dire, Canada anglais, Eric me corrigera si je me trompe, mais au Québec... On n'a pas vraiment connu la vague AOL au même niveau notre que les États-Unis l'ont connu. Ben, c'est normal, Canada, c'était la fermeture à l'anglais. Exact. C'était la fermeture au français de AOL. Exactement. Mais, AOL, l'Internet, dans le temps, je pense il y a 20 anglais ans, qui... on s'entend, tout est cyclique. Tout... Le CD AOL. Oui, ouais. Mais ouais, ça, t'as acheté un PC Gamer puis s'il y en avait deux, genre. Mais tout est cyclique. Que ce soit la mode, que ce soit la musique, que ce soit. Tout revient à chaque 20 ans. C'est pas moi qui l'invente, c'est. Chercher sur Internet. Fait qu'AOL va revenir. Non, mais Facebook est un peu le AOL de notre génération. Ou de la génération actuelle. Clairement. Ouais, clairement. Parce que AOL, c'était ça. Mais AOL c'est juste est arrivé. Plus de monde. Et tout le monde avait. Mais en fait. AOL était juste en avance. Je veux pas take over ton point où ce que tu t'en vas, mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est des affaires que bien des compagnies ont rêvé d'eux dans les années 90. Mm-hmm. Comme aussitôt que le monde voyait le potentiel du web des années 90, tout ce qui se passe en ce moment. A été mis à tout un autre niveau où il y a bien des startups qui partaient avec ces rêves de foin-là là, qui s'en allaient de nulle part. C'est quoi le film? Il y avait un film qui parlait d'une startup. The Social Network. Non. C'est pas avec le Wilson aux cheveux bruns, là, puis qui parlait. Non, je vais le trouver le nom tantôt. Luke Wilson? Non, c'était The Founder. Luke Wilson. Luke Wilson, c'était les startups de porn qui ont drivé la technologie de l'Internet. C.C. Bell. C'est le film. Oui, c'est ça, le film. Le film de C.C. Bell. Exact. Mais moi, le film que je parlais, c'était quelque chose, Shark quelque chose. Sharknado. Shark. Ouais. Non, Sharknado pas Sharknado, 5. Mais c'était je vais le trouver le nom tantôt. Mais c'est, eux autres, ils parlaient justement, c'était des startups des années 90, début 2000, qu'ils vendaient le rêve comme ça de l'interconnexion de tout le monde qui partage, qui fait ci, puis mais ça. Mais c'était des gens qui ont sûrement péri dans la oui, bubble oui, burst. Oui, c'était pendant la bubble. En fait, c'est un film sur le bubble. Okay. Merci à Paul Gaming Live pour le follow puis le host. C'est super cool, man. Mais en effet, Facebook est En fait, c'est, il faut ramener ça à qu'est-ce que les gens veulent. Tu sais, il y en a. Ça a été. Je dirais pas que les gens, c'est qu'est-ce que la masse veut facilement. Oui, mais est-ce que je me suis mal. J'ai mal commencé un peu mon commentaire. Récemment, si ma mémoire est bonne. On t'en tiendrait pas rigueur. Laurent Lassalle, dans sa chronique à Radio-Canada, parlait un peu de cet aspect-là. Ce qui arrive, c'est quelle chronique? Laurent Lassalle a une chronique à Radio-Canada durant l'émission du matin. Ah. L'avant-midi, j'aurais dit, peu importe. Moi, je travaille. Mais le matin et l'avant-midi, fait que t'es correct. Ouais, mais c'est disponible en diffusion différée. Non. Anyways. Ce qui est important, puis ce que les compagnies veulent maintenant, c'est vos données. C'est quand vous utilisez, que ce soit YouTube, Google, moi, tu sais, c'est la même compagnie Google, Google Maps, Facebook, Instagram, qui est Facebook. Que ce soit Snapchat, Twitter et compagnie, toutes les espèces de quand tu l'installes, l'application voudrait être capable d'accéder à telle affaire pour pouvoir l'utiliser. Ils veulent vos données. Puis dans le fond, les compagnies, eux, veulent justement faire le plus de choses possibles pour te donner le goût d'utiliser l'application, puis de le faire d'une certaine façon pour que ça vienne chercher, justement, on parlait de la psyché tantôt, la psyché, où tu as le goût de voir ce qui se passe. Ils vont faire des tweaks d'algorithmes, ils vont faire des tweaks de ci, ils vont essayer de te montrer ce que tu aimes le plus. Tu sais, il y a plein de pour, il y a plein de contre, mais eux, ils essayent tout d'espèce de feeder ton espèce d'obsession à ce niveau-là pour que, justement, l'application soit ouverte puis qu'ils sachent un tel est à tel endroit, est en train de faire telle affaire, puis après ça, il y a les fameuses pubs. C'est pour ça que quand tu vas sur, mettons, le site de Corsair, pour nommer une brand quelconque, tu check des claviers puis des souris. Le pirate de l'espace? Ah non, okay. Non, le Corsair Gaming, là, ou le hardware de computer. Ouais. Puis là, t'arrives après ça sur Facebook ou sur d'autres sites, parce que le même, ça se produit aussi dans Google. Puis là, whoop, t'as plein de pubs de Corsair partout. C'est fatigant. Ils appellent ça du remarketing. C'est que grâce à toutes les affaires qu'ils sont capables de tracker, ils savent pas que c'est Jonathan Milter, mais ils savent que l'usager genre ABEF1X2468 whatever là, qui est comme une espèce de clé alpha numérique interminable, a fait ça et veut voir ça. Donc c'est tout ce qui... puis eux ils veulent vraiment, ils font leur argent avec ça, puis ils vont faire tout en leur possible pour que tu utilises mais l'application. Mais c'est une mauvaise affaire. Moi je trouve que non. Mais en réalité ça dépend du business model. Parce que tu sais, mettons je suis sur Facebook là. Puis là j'ai mes pubs là, en plein milieu, pas en plein milieu mais à ses côtés, puis ouais. des petites affaires des fois ou whatever, des pages qui me suggèrent puis tout. La plupart du temps, c'est parce que j'ai parlé de ces affaires-là ou tu sais je vois des pubs de Fortnite ces temps-ci des fois popper, c'est comme vous cachez pas que si j'en parle c'est parce que je l'ai. Ça fait partie de la game, ou du retargeting. Mais en que je veux dire là-dedans c'est que pour moi, j'aime. Tu sais, ils mettent des pubs de choses que j'aime. Ça me dérange beaucoup moins. C'est du ciblage. Je suis pas plus influencé par la pub. Mais t'aimes mieux voir une pub de quelque chose que tu j'aime check, mieux voir que une pub affaires de Fortnite que de célibataires arabes importations. Exactement. C'est comme who cares. Je parlais justement avec une cliente aujourd'hui à job. Je parle beaucoup avec les gens dans mon milieu de travail. Puis la madame était très. Je demandais de les informations, puis était comme. Non, puis comme une madame de 70 ans ou presque 70 ans, elle me dit, je comprends pas, tout le monde sont prêts à vivre un livre ouvert. Un livre ouvert, puis ils ne stressent pas pour ça. Puis moi, je suis comme, ben, tu sais, tu bois du vin en famille, tu as tes maisons, tu sais, toutes tes affaires qui restent. Tu fais Snapchat. Mais en plus, ouais, c'est ça. Mais en plus, je dis, au pire des cas, en ce moment, tout ce qui se passe avec, c'est que au pire des cas, je vais me faire proposer de quoi que j'ai peut-être un intérêt pour. Ouais, mais il y a une perception. Puis ça, cette information-là, oui, générationnelle. C'est Big Brother, genre. Cette information-là pourrait être un jour mal utilisée. Je suis d'accord avec ça. Mais si en ce moment, c'est juste pour me comment dire... Comment tu veux mal utiliser le fait que j'ai joué à Fortnite et que j'aime ça contre moi? Ça va bien plus loin. Tu vois, regarde, parce que là, nous autres, on est chanceux ici au Canada parce qu'on a quand même un business model où c'est application-based. Je pense que même mon YouPorn info, comme des films que je vois suggérés sur YouPorn, c'est à cause de qu'est-ce que je choisis habituellement. Ben exactement. Sauf que il y a une législation qui est passée aux States qui va être un peu plus... selon moi, qui est un peu plus terrifiante aussi également, c'est que ils ont passé une législation aux États-Unis où ton ISP, donc ton fournisseur Internet, dans le fond, est le propriétaire de toute l'information de la bande passante qui passe par son réseau. Fait qu'autrement dit, aux États-Unis, ce qui arrive, c'est que, mettons, si t'es membre de Comcast ou Verizon ou peu importe, ben eux autres ont le droit de revendre les statistiques de furetage de leurs clients puis le browsing à d'autres compagnies, à des compagnies de marketing, etc. Donc, moi, je trouve c'est-tu que... C'est-tu passé ou c'est une proposition? En fait, à ma connaissance, c'est passé. Je l'ai entendu ce matin dans un podcast qui est le front page de The Attack, qui était anciennement Pointless avec Kevin Pereira. The Attack, honnêtement, je tripe juste sur leur business model. Là. Mais en réalité, c'est ça. Donc, le ISP est propriétaire de l'information de browsing. Ça veut dire que eux autres, ils vont pouvoir vendre, mettons, à des compagnies qui font des metrics pour savoir qui a écouté telle émission comme ou une compagnie la de pub, personne qui est un mâle vivant à Montréal de 43 ans qui est célibataire, exactement. A décidé d'aller checker des blow-up dolls puis whatever. Puis là, le fuck, c'est que... Puis le point en discussion qu'il y avait Kevin Pereira puis que j'étais un peu avec ça, c'est que eux autres vont faire de l'argent en vendant cette donnée-là qui est générée par les utilisateurs puis techniquement qui appartient aux utilisateurs. Donc, au Québec, on est protégé un peu par ça parce que c'est une information qui est considérée comme privée. À moins qu'il y ait un mandat ou la police ou whatever. Écoutez les chiens de garde Crypto-Québec, vous allez en apprendre c'est un paquet là-dessus. La minute qu'il y a un aspect criminel, il y a fuck all de privé. Ben, c'est ça, exactement. Sauf que, tu sais, si t'écoutes du stock legit, ben, garde, il n'y en a pas de problème. Fait qu'en réalité, là, ce que ça veut dire, c'est que t'sais, eux autres vont faire du cash sur le dos de leur user en leur chargeant quand même un prix qui, pour certains, est considéré exorbitant, pour certains, est considéré juste, mais ils passent pas l'économie aux utilisateurs. Ça veut dire que tous les utilisateurs qui payaient 80$ par mois pour leur accès Internet continuer à payer 80$ par mois, sauf que leurs habitudes de furetage vont générer des revenus additionnels à la compagnie. Fait que t'sais, ce que Kevin Pereira il proposait, c'est premièrement, le gouvernement aurait dû passer une législation qui est un opting out. Ça veut dire que tu as le choix d'embarquer ou tu as le choix de débarquer. Fait que premièrement, ton ISP dit toi, Eric, qui est client chez Comcast, est-ce que tu es intéressé à ce qu'on revende tes données? Oui. Bon, si tu es intéressé, ce que Kevin Pereira proposait ce matin, puis qu'il y a quand même une logique derrière ça, c'est oui, tu es intéressé, on va t'offrir 5$ de rabais par mois sur ta connexion, ou non, tu es intéressé, on te laisse au même prix. Parce qu'on va générer du revenu avec ton information de browsing. C'est tellement un bon point. C'est le même débat que les jeux électroniques, les jeux plus d'emballage. Les gens étaient comme « Hey, j'ai plus de frais de distributeur, j'ai plus de frais de carton, j'ai plus de frais de pressing de CD. » Mon jeu ne me coûtera pas 89$, il va me coûter 39$. Ouais, mais ça non. Dépend, tu peux pas comparer les deux. Non, mais parce ce que je veux dire, c'est que les gens avaient cette approche-là. Ouais, mais tu peux pas quand même comparer les deux, parce que sinon on parle de vendre un produit physique puis de baisser un coût, mais là le coût d'internet, les affaires de même, le coût de production reste pareil. C'est juste qu'eux, ils ont une revenu supplémentaire. Tu peux pas dire que, mettons, je te donne un exemple, moi j'achète un jeu pas de jaquette, ben la compagnie va pouvoir revendre la jaquette à quelqu'un d'autre, fait qu'il économise. Non, mais il y a un coût de production de moins, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais Je suis conscient que c'est marginal dans le coût global de production, mais ce que je veux dire, c'est que les gens avaient cette idée-là lorsque ça s'est produit. Lorsque les jeux électroniques sont devenus tendance et même, je dirais, comme ont pris d'ampleur, tout le monde disait « Ah, ben c'est le fun, ça va coûter moins cher », ce qui n'était pas le cas. Ouais, mais tu peux pas comparer un bien consommable avec un bien de service. Je suis d'accord, c'est là que le business model est pas pareil. C'est juste, mon point, c'était plus au niveau de la perception des gens. C'est ouais, tout. Ouais. Moi, je te dirais... Garde, qu'est-ce qu'André s'en est en direction? Mais je suis d'accord avec ce qu'il disait aussi. Ben, il s'en va dans l'affaire de Kevin Pereira ou ce que ce soit de l'argent. On est tous comme moi, là, je suis le genre de consommateur, moi comme consommateur que je suis, on va dire je regarde YouTube, on va dire je regarde, je sais pas, dernièrement j'ai essayé d'écouter fucking Rick and Morty, parce que je suis en tort. Pickle Rick, bon Rick and Morty, man. Non, mais moi j'ai vu un épisode ou deux. Je viens de commencer d'écouter moi avec. Je trouvais ça écœurant, mais là j'ai écouté le Pickle Rick, là, que je pense que c'est l'émission virale de l'été, de la première saison, troisième saison, excuse, puis c'est écœurant. Mais sacrément, où est-ce que moi je suis prêt? Je vais sur Adult Swim, je le pars, j'ai des pubs de fucking Downy, j'ai des pubs de shit dans ma face, pis ça me fait plaisir de regarder deux pubs de 30 secondes pour regarder Rick and Morty sur Adult Swim. Parce que le prix à payer est moindre que le divertissement. Mais en fait, ton Rick and Morty va durer 23 minutes. Mais même si j'en ai 4 fois dans 23 minutes, parce que je suis très... Moi, je suis... J'aime mieux tout au début. T'as le choix de le faire. C'est parce que je pense que le mot-clé là-dedans, puis l'action-clé est le choix. Quand c'est imposé, c'est là souvent que les gens s'insurgent. Mettons, ils me diraient, là, bon, mais regarde, écoute, t'as pas le choix, peu importe que tu payes pour ton câble, que tu l'écoutes sur Internet, que tu le télécharges sur un flux RSS, il y a toujours une pub en avant de Rick and Morty, tu serais peut-être un peu en crise. Mais là, toi, tu choisis de l'écouter en ligne, puis tu fais comme « Fuck that, il y a une pub, mais je trouve je que le contenu show. Que je reçois pour ma c'est facture ça. En ce moment est bonne. Mm-hmm. Mais... moi, je suis pas un cable cutter, moi. Moi, je suis un fier consommateur de télé comme qu'elle elle soit. Mais Game ça a baissé, Thrones, ça, soir, les cable cutters. Mais qui bang, je m'en crisse. Un jour, on va être la minorité, puis je vais être cool, parce qu'on est juste... Non, mais ça a baissé parce que les compagnies ont moi, commencé à... Moi, je suis un cable cutter, man. J'écoute du vinyle aussi, tu sais. Non, mais ils ont commencé non, à se renouveler, les compagnies. Non, fait plus, que... j'achète du vinyle, excuse. Les compagnies ont commencé à se renouveler dans le sens que les... Mais ils n'ont pas le choix. Les shows se retrouvent sur leur affaire de streaming à eux autres, à Star, comme les Tout.tv puis tout. Fait que tu peux plus pogner un site puis couper mais ton corps. Mais cette tendance-là puis, va un peu à l'encontre de ce qu'André a essayé. Non, mais... Oui, mais je dis l'espèce de décentralisation des services, c'est un peu à l'opposé du sujet qu'on a. C'est comme... Dans certaines sphères, on a cette espèce de... d'homogénéisation où ce que tout se ramasse à la même place à la Facebook. Mais exemple dans la télévision où ce que avant on disait t'as Netflix, tu cord cut ton affaire ou maintenant c'est tout mais non, je cord séparé. Pas, Netflix, je paye 10$ non, par non, mais mois je, pour mais je pense je parle que dans, pour faire ce que Milton disait c'est que tout devient séparé maintenant. Donc c'est l'inverse de tout c'est avoir à même place. C'est plus tough pour le cord cutter. Exemple dans la télé, c'est comme pas le Facebook, c'est ça je ouais, mais en réalité, non, t'es un consommateur. Je parle pas de cord cutter. Ouais, mais là vous mélangez des choses parce qu'en réalité là on a deux idéologies qui vont clasher. Mais est-ce que Facebook mais en réalité l'internet. Facebook assimile l'internet d'un point de vue information puis d'un point de vue diffusion de contenu, mais d'un autre côté le business model puis la tendance lourde au niveau du divertissement va aller à l'inverse. Je vous donne un exemple, le move qui est arrivé ce matin là. Disney qui dit, savez-vous quoi? Fuck Netflix, fuck le reste, je vais faire ma plateforme puis je vais y aller. Ça, comme c'est une CBS tendance lourde fait, au niveau ouais. du divertissement. C'est que toutes les compagnies qui diffusent du contenu, c'est comme nous autres. Regarde, le podcast, là, il est disponible sur notre RSS. Mais présentement, on diffuse sur Facebook, on diffuse sur Twitch. On pourrait juste le mettre sur notre site web. On pourrait juste le mettre sur notre site web, tout le kit, mais on a besoin de la visibilité pour avoir le geek collectif. On n'est pas Disney encore. On n'est pas Disney. Mais Disney ont la notoriété de dire notre contenu, ça fait des dizaines d'années ouais. que c'est là, c'est réputé, vous voulez écouter du Marvel, vous voulez voir du Star Wars, fuck les compagnies, le seul moyen de voir notre shit, ça va être sur notre plateforme pis mais, that's it. On parle de Disney aujourd'hui en disant ça, là, mais exactement ce que tu viens de dire là dans un sens, là, ben, la WWE l'a faite il y a 2-3 ans. Quoi, plus que ça? Quand ils ont parti leur channel? Les ouais. chaînes spécialisées sur le câble, c'était exactement ouais, mais ça. Je parle avec leur version. Ils sont à web au début, pas mm-hmm. mal, là, plus, là, tu sais, web-based, puis tout, là, ils commencent à avoir les applications, puis les postes TV, puis tout. On sentait que les applications, c'était un peu mieux parce que c'est sur demande, là, tu sais, t'as live channel. Leur socio-démo est encore très télévision, par exemple. Oui, mais... Pareil, tu sais, je veux dire, ils ont fait leur channel, leur affaire Disney, là, comme tu disais tantôt, je suis sûr que leur affaire va être en version poste de TV aussi. Là, si mais, c'est, mais c'est là qu'il faut faire attention parce que, tu sais, moi, ce que je vous dirais, il y a deux sous-questions dans notre sujet de ce soir parce que Facebook, tu sais, souvenez-vous, on a parti en disant le marketplace, on a parlé qu'il y a des vidéos qui se font jouer sur Facebook, etc. Fait avec du son, calice! Avec du son, man! Mais on s'entend que Facebook assimile Internet à un certain niveau où je vais apprendre plus vite par Facebook un événement grave que je vais avoir besoin, mettons, je me souviens dans mon DEP en informatique, quand il y avait un avion qui avait crissé le camp dans les Twin Towers, il a fallu que quelqu'un aille sur Alta Vista, regarde ça, qu'on écoute ça sur un fucking CNN. Real player, embed hey, dans une affaire. Parenthèse 9-11, je jouais StarCraft, je reçois un appel de mon fucking coloc par téléphone landline, il dit « Eric, allume la fucking télé puis mets ça sur CNN ben, fucking c'est ça. N. Tu veux qu'on continue cette parenthèse là? Allumer ça. Ben oui, c'est la parenthèse 9-11, c'est une classique. J'ouvre la télé puis boum, je vois la deuxième fait fucking moi, tour qui fait là. Si tu veux que the freak event là, j'étais au cégep de Bois-de-Boulogne, informatique 401 ou 411 qui est un cours de base de données. Puis on est en train genre milieu de session, tu sais, ben en fait début de session, donc c'est encore smooth. Puis là, c'est comme si t'as l'espèce de cours pratique en informatique où ce que la prof a donné un exercice, puis t'as comme toujours la gang de smartass qui finissent leur exercice comme en 10 minutes. Ouais, mais c'était quoi genre l'exercice? Moi, malheureusement. Genre créer un genre de créer de base de données avec une interface de guichet automatique, mettons. Là. Ok, ok. Puis là, pendant que tu attends que le prof fasse la tournée des 35-40 élèves, ben là, tu gosses sur Internet, puis là, c'est comme on est dans l'espèce de réseau de la, du cégep, donc assez rapide. On se prenne sur CNN, puis en plein pendant le cours, genre, quelqu'un fait « Hey, Chris, check ça, là, ça se passe. » Tout le monde s'en va parler. Le prof, comme, fait « Pourquoi il y a de la commotion? Qu'est-ce qui se passe? Viens voir ça. » Voit ce qui se passe, pète une fuse, commence à bad tripper, genre, comme syncope totale. Elle dit « Arrêtez de penser qu'il n'y a rien là, vous allez tout me faire circonscrire, puis mon grand-père, il a fait la guerre, puis la fille a pété un plomb total, puis nous, on était juste plus qu'à adorer, mais on avait 19 ans pour nous t'écouter. » Mais tu vois, regarde. Puis la guerre, c'était difficile. Oh, regarde, j'y manque une jambe et un bras. Mais revenons-en au sujet initial. Ce que j'essayais d'illustrer, c'est que là, t'as la track où la vraie question de fond, c'est avant, on devait rechercher l'information, puis là, l'information, naturellement, nous est poussée par le biais de Facebook. Facebook part d'un modèle où tu devais allumer la télévision ou recevoir un appel sur ta landline, ou après ça, tu as évolué, tu es allé sur Google, tu devais rechercher quelque chose, ou maintenant, tu t'associes à des gens sur un réseau social et les gens te poussent l'information. Et même selon tes habitudes de furtage, le réseau social te pousse l'information direct. Fait que tu reçois l'information sans l'avoir sollicité. Ça prend des histoires de dude qui s'appelle Pat Vianco. Puis le pire là-dedans, c'est la gauche. Des gens. Fait que ça, c'est à gauche qui est la première question au niveau de l'information, pas la gauche politique. Mais ça, c'est la première information à gauche. Puis à droite, t'as l'autre tendance où les gens vont modifier beaucoup, c'est le divertissement. Puis le divertissement contrôle une grande part des business models de nos jours. Fait qu'effectivement, tu sais, des business models, souvenons-nous, là, tout le monde disait les clubs vidéo, puis après ça, Netflix. Ben, même Netflix ont un modèle qui est menacé présentement. J'ai écrit récemment. Parce que mis à part leur business model de créer du contenu qui est présentement encore déficitaire. Pas juste déficitaire, ils ont une dette de 20 à 25 milliards en ce moment. Là. Fait que tu sais, t'as ça d'un côté, puis là, t'as Disney qui va s'en aller de l'autre côté. Fait que il y a une belle différenciation au niveau des habitudes de furetage. Puis ce qui m'amène à la vraie question, c'est... Tu sais, là, t'as Facebook qui est en train d'absorber certaines parties d'Internet, donc le marché de Kijiji, le fait que tu vas sur peut-être TVA Nouvelles pour te renseigner sur des nouvelles, ou que tu googles des chiffres. Mais maintenant, TVA avait des caves. Mais t'sais? C'est ça, tu sais, maintenant, puis Facebook a vraiment eu ça, c'est chiant, comme tu disais, le marché de Kijiji avec les fameux bazar Villeray, Market bazar Plateau, Facebook, bazar Rosemont. Où est-ce que le monde se met à vendre des trucs locaux. TVA Nouvelles, avant, il fallait que tu ailles sur leur site. Maintenant, ils mettent leur scoop sur Facebook pour qu'ils t'amènent sur leur site. Ouais. C'est vrai que tout passe par là. Mais il y a un petit côté pernicieux à ça, puis ça a été beaucoup analysé puis discuté. C'est que il y a ce qu'on appelle les silos. C'est que en général, quand tu es dans Facebook, tu vas t'associer avec des gens qui ont la même façon de penser que toi. Ouais. Puis ça l'encourage une espèce de, justement, de censure, ce qu'il appelle une censure passive. Un safe space. Ouais. Un safe space où, justement, tu n'es pas confronté à ce que les autres gens qui pensent pas comme toi vont dire. Puis, malheureusement, l'espèce de conséquence à cette conséquence-là, c'est ce qu'on voit en ce moment avec les fameux débats. Le fameux débat des Antifa qui donnent la marde contre le groupe X, c'est pour ça qu'ils donnent la marde contre le groupe Y. Puis là, t'as les alt-right, puis t'as les LBG. On peut pas juste faire des tournois de ping-pong pour ces caves-là. Exact. Comme en Chine, ce que je veux dire, c'est que. Je veux dire, à la base, tu sais, tout le monde a le droit à des opinions différentes, mais les gens sont tellement en train de se craquer dans leur silo, dans leur echo chamber, qu'ils se craquent, que la minute qu'il y a une note dissidente, ça fait exploser la patente. Puis c'est ce qui. Plus les gens vont être basés sur des... Instagram est un peu le même principe. C'est ça qui est le fun. Tumblr est un peu le même principe, puisque les gens avec les hashtags vont se regrouper dans des espèces de groupes sociaux virtuels. Puis la minute, tu sais, 4chan, Reddit, peu importe, la minute que justement il y a une opinion contradictoire à la tienne ou à celle du groupe, ça devient une confrontation. Ça devient comme quand t'étais au secondaire en 94, puis que t'avais genre l'école secondaire, genre... Non, qui était à 3-4 rues, qui venait faire ça, qui venait elle dans dit ta cour d'école. De lui, puis lui a dit ça d'elle. Puis next thing you know, à l'heure du dîner, il y a un combat qui se passe dans un terrain de tennis. Entre deux écoles au complet. Mais ma question pour toi, Guillaume, dans un environnement collaboratif de développeurs web, c'est comment est-ce que tu es réunir ensemble? Ça sais-tu me faire sortir des spoilers de ma conférence de fin de semaine? Je pense que oui, moi. Mais Eric, toi qui es un homme loyal, un homme qui... J'essaye. Qui... le couple est comme une fondation... couple, amitié, tout ce shit-là. C'est solide, c'est comme immuable. Tu sais très bien, comme moi, que le secret est dans la communication. Oui. Et dans l'ouverture. Mais le et problème, c'est qu'en ce moment, t'es si lourd. T'es si lourd que faut tu parles qu'ils se parlent entre eux. Mais donc, ils veulent pas se parler. Mais c'est ça leur problème. En développement web. En développement web. Sauf que ce que je veux dire, c'est que son affaire est pas. Il fait son spoiler. Mais moi je me demande si le monde se souvienne de Jessica Barker en 2008 qui avait sorti des chandails et une campagne fuck Facebook, si elle doit se revirer dans sa tombe aujourd'hui, genre. Ouais, mais d'un autre côté, ça a fait du shock value. Elle était juste tout sous. Mais ma perception de tout ça. Je suis sûr qu'elle espère que le monde oublie. Moi je vous dirais, j'étais un. Elle était comme le AOL des t-shirts. J'étais un peu au sens contraire de certaines des affaires qu'on a dit où je pense que le problème n'est pas dans l'outil, mais plus dans la perception des gens, dans l'utilisation de l'outil. C'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu sais, je me rends compte, ça devient un peu une histoire de football. Tu sais, ça devient un peu genre. Tu sais, ce que tu dis, c'est très vrai, Guillaume. Tu sais, Facebook te permet de t'associer à des gens qui pensent comme toi, qui aiment les mêmes choses que toi, puis de te voir et constamment des choses que toi t'aimes, puis que t'es d'accord avec, versus te challenger. Mais il y a du bon là-dedans aussi. Là. Tu sais, la façon que tu le dis, j'y vois que du bon dans un sens. C'est ça, mais c'est un outil qui a été programmé pour ça. C'est un outil qui a été programmé pour. Tu sais, oublions pas qu'à la base, Facebook était un truc qui servait à. Tu sais. À rater les hot chicks à l'université. Mais après ça, c'est devenu... Des zombies qui attaquent des vampires. Regrouper des gens, des zombies qui attaquent des vampires avec des loups-garous. Mais c'était une pause Facebook. Pareil, je pense qu'on en parle. T'arrivais le soir, là, tu pognais ton zombie et tu faisais attaquer le vampire à ton ami. En fait, ça existe encore dans les pages web, cette affaire-là. On reçoit des invitations weird. Fait que tu sais, en gros, ce que je veux dire, c'est que l'outil est là, puis l'outil fait ce qu'on l'a programmé à faire, puis il le fait très bien. Mais la vraie question de fond, c'est un peu, tu sais, justement, OK, tu t'en vas tout le temps sur Facebook checker tes nouvelles, mais tu regardes plus les sites externes, tu vas pas, justement, googler ou peu importe. Tu prends peut-être plus le temps d'appeler tes parents, tu vas envoyer des messages. Tu prends plus le temps par Facebook. Tu prends plus le temps de lire l'article, puis tu pars dans une espèce de tirade Social Justice Warrior juste sur le fucking titre mais de l'article. Quel est le moment où on va cesser de blâmer les outils puis prendre le contrôle de nous-mêmes, justement. Puis tu sais, Eric, t'es un bon exemple de ça où toi, tu cherches constamment à te faire challenger. Quelqu'un va avoir une opinion différente. Tu vas pas aller le ramasser, tu vas aller jaser avec pour découvrir comment tu restes cool. Puis je trouve que c'est une qualité que t'as qui est pas assez répandu récemment. Tu poses des questions. Tu vas pas te fermer. Très fort pour ça. Tu vas pas unfriender le puis monde. T'as le don de peser ses bons pitons pour faire trigger les gens aussi. Mais ça trigger des conversations. Ça trigger pas du hate. Oui, mais lui, il fait son innocent. Il fait son innocent, Rick. Il fait comme si rien n'était, puis il pose des questions à personne pour que la personne développe. Exact, c'est ça. Fait qu'il l'attaque pas, il laisse développer puis se caler lui-même avec ses arguments. Puis c'est quelque chose qui est important pour moi dans les discussions des réseaux sociaux, c'est d'avoir des discussions. Puis j'essaie toujours d'avoir des discussions, mais la minute que quelqu'un devient agressif ou personnel, c'est là où ce que cette personne-là... Tu viens-tu le gars qui t'astinait en disant que le meilleur vendeur, c'est pas nécessairement l'affaire qui vend le plus? Ouais, ça c'était... c'était très spécial. Fait que t'sais... Puis le pire, c'est que j'embarque en plus. Puis moi, je deviens émotionnel. À des moments de même, je deviens investi émotionnellement, là, même si ça a l'air comme juste avoir une discussion avec des gens. Je suis quand même investi émotionnellement parce que je veux que cette personne-là comprenne que de un, on est deux personnes qui ont des mêmes passions. Shout out à Gamers Québec. Que j'adore. Groupe en officiel. Passant, un de mes groupes préférés. Je suis banni. Non, t'es pas banni. Non, t'es pas banni de vrai. Je suis banni de un. Ouais, t'es banni de fake. Il y en a 14, anyway. Mais tout ça pour dire que du fake. Mais faut qu'on apprenne à communiquer entre nous comme ça. Là. C'est très important. C'est une des affaires les plus importantes, en fait. Puis le pas, j'en bloque du monde, hein. J'en ai bloqué. Ouais. Mais il y a du monde que la minute qu'ils deviennent personnels avec moi, puis moi après ça, je deviens personnel avec eux, ils vont me bloquer, eux autres. C'est eux autres qui bloquent, puis eux autres, ils décident de rester dans la face. Puis t'es juste là, puis t'es comme dude. Tu viens de prendre 4 photos de moi puis ma femme. Tu viens de fucking mettre une flèche sur comme le fait qu'on est des acides gros lâches parce qu'on est un peu surpoids. Puis tu penses que c'est la bonne affaire à faire ça en ce moment. Puis on parle de le Super Nintendo présentement, là. Ouais. Comme, pis j'essaie de rester cool, mais quand la minute que tu t'embarques dans la bulle avec ce monde-là, c'est « Ah, oh, t'es un esti de loser, bloc. » Mais le vrai fuck là-dedans, pis mais c'est terminons correct, là-dessus, tu sais, pis je trouve que t'as une bonne approche, pis ce que tu dis, c'est vrai, c'est le monde ne tolère plus, pis plus le temps avance, plus les générations avancent, Le monde tolère plus de se faire challenger. Le monde tolère plus. C'est plate, hein? Les opinions divergentes. On dirait que. Ça, c'est incroyable. On se couche le soir. C'est la fin qui me fait le plus peur au monde, ça. Ça, là. Mais on s'entend, là. C'est fucking thinking, là. Si tu le perds, ça, t'es quoi? On s'entend, tu sais, il y a eu le film Idiocracy qui est sorti il y a une couple d'années, qui était quand même assez effrayant aussi. En avance sur son parce temps. Parce que très en avance sur son temps, puis très précurseur de problèmes qu'on a présentement. Mais moi, ma vraie crainte, c'est ça. C'est la minute où le monde vont vouloir défendre leur opinion à tout prix, peu importe ce qu'ils vont engendrer pour les autres. Tu sais, quand t'es rendu, justement, comme tu le dis, on parle de Super Nintendo, on parle d'un jeu qu'on aime, puis on finit par avec moi. T'es un ci, puis t'es un ça, puis fuck you, puis je vais t'intimider publiquement. Retourne dans ton pays! Juste ça, comme quoi? On n'est plus capable de se parler, mais on blâme les outils, puis on fait pas d'introspection. Ah non, ça c'est clairement... Non, mais le pas d'introspection, c'est... Comme je te dis, c'est une des affaires qui m'inquiète le plus au monde. C'est drôle, hein? Avant le Geek Collectif, qu'en passant, j'aimerais faire une parenthèse... On est rendu à techniquement 5 ans. Parce que moi puis Milter, high five, on a célébré notre 5 ans sur Facebook. Sur ce compte-ci. Sur ce compte. Hein? Non, j'étais pas ami avec toi sur un autre compte avant. Ouais, il y avait un autre compte avant. Mais j'étais pas ami avec. Non, ouais. J'étais pas ami avec. Non, mélangez pas les affaires, les gars. Je pense que oui. Je veux pas m'estiner encore avec du Origin Story Geek Collectif de vous autres. Du Origin Story. Parce qu'on a. Oh non, non, les années sont floues. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en septembre, on était avec de fêter notre premier vrai 5 ans. Mais ça, non, on l'a déjà fêté, calice. Calice, ça commence pas. Mais moi, Milton, on commence à célébrer on célèbre notre 5 ans d'amis Facebook. Puis j'ai oublié que je m'en allais dire, esti. Mais moi, je vais dire merci pour le follow, Guillaume Brien. Merci pour le follow. T'es prêt à dire de quoi de vraiment bien? Puis de c'est avant le Geek Collectif sur Facebook. Non, c'est demain que t'as commencé ta phrase. Ouais, je m'en ai juste dit que ça fait 5 ans, mais à cause de ça, Ben, c'est une belle manière de terminer l'épisode de ce soir. On peut y penser, on le postera par après, mais guys! Sacrément! Hey, un gros show ce soir. On va se laisser sur une question, c'est qu'est-ce que vous pensez justement? Est-ce que Facebook va assimiler Internet? Est-ce que Facebook va trop loin? Est-ce que Facebook va trop loin? Est-ce que c'est l'utilisateur qui doit se re-questionner? Est-ce que Facebook me censure trop facilement? Est-ce que Mouser devrait revenir plus rapidement sur Facebook? Parce qu'à date, j'ai passé le tiers de l'année à date banni. Ouais? Je sais. Ouais. Donc, guys, un gros merci d'avoir été avec nous ce soir. Les gens sur là, Twitch, sérieux, merci. 18 personnes sur Facebook présentement. Je vais te bouillir. Merci. Comment? Je sais pas le nom, Bouillave. Bouillave, oui, je vais te Bouillave. Il doit être arabe. Peu importe. Bouillave. C'est pas grave. Non. Wesh la street. Bouillave. Wesh la street aussi. On est passé. On est big en Arabie Saoudite. On est passé avec nos amis français pour savoir ce que ça veut dire. Ah, c'est des français? Oui, c'est des français, je suis pas mal sûr. Wesh, c'est pas mal français. Ça. Wesh, ouais, je suis pas. Hey, les français dans le stream. On vous invite à nous expliquer ce qui se passe en ce moment. J'aimerais, les français dans le stream, faites un shout-out à mon bro JB. Oui, c'est Tales from the Click. Ça, c'est notre ami. On l'a déjà eu comme invité ici. On a un petit peu de cred français, nous autres, au Geek Collective. C'est très français. On a déjà eu, justement. Il était dans le stream, puis tu le quittes. Fait allez écouter notre épisode. Il est sur legeekcollective.com. Mais, guys, en réalité, là, c'est ça. Est-ce que Facebook va trop loin? Est-ce que Facebook est après assimilé Internet? Quelle est la responsabilité des gens? On vous invite à interagir avec nous via facebook.com/geekcollectif le podcast. Sinon, @geekcollectif sur Twitter. Mon nom est André Paquette, votre humble animateur. Ça m'a fait un plaisir d'être là pour le 96e épisode du collectif. Ben ouais, il y en a 96. On approche du centième. Pour le 5 ans. 5 ans, 100 épisodes. Il y a un paquet de monde qui ont genre 200 épisodes par saison, c'est correct. Shout out aux petits bonheurs qui ont réussi à faire ça en un tiers du temps. God, ils sont beaucoup plus rapides que nous autres. Mais guys, ça m'a fait un humble plaisir d'être avec vous ce soir. Chuck Milter, les gens qui voudraient jaser avec toi ils en dehors du podcast. Ils peuvent pas parce que je suis banni de non, Facebook. Mais ça a l'air, moi j'ai entendu des rumeurs comme quoi que t'es rendu BFF avec Twitter. Je suis un peu sur Twitter. C'est Zombie Milter. Mais t'as une page Facebook. J'ai une page Facebook, c'est vrai, en tant que podcasteur québécois. Ça, là, c'est ça Jonathan ça. Milter. Vous pouvez me follower. Même quand je suis banni, je peux écrire de là. Je passe par ma secrétaire. Ça, c'est cool au moins. Puis c'est ça. Éric, les gens qui voudraient interagir avec toi dans ce podcast, n'hésite pas à prendre son souffle. Hashtag secrétaire. Comme secrétaire. Ben, vous pouvez, vous pouvez parler sur la page de Jonathan Minter sur Facebook. Oh, calice. Ben, c'est ça. Montréalien, tout ça. Je joue beaucoup à Forza 7. Tout le mois, le monde s'en achète. 6 ou 7 que tu joues? Hein? 6 ou 7? 6. J'ai-tu dit 7? Ouais. 7. Ok, je joue à 6. J'ai plus heureux de 7. Mais je vais l'avoir dans les deux. Ça, c'est toute une autre discussion. Parce que je suis bien excité d'avoir ma One X et ma One dans la cave. Astique, j'ai hâte. Mais c'est ça. Ça, puis Arcade MTL, on a tout un mois de... Je vais faire une plug. Parce que c'est une vraie plug, dans le fond. Arcade MTL, on a des fins de semaine, des jeudis de Nintendo Switch tout le mois. Commençant à demain, on a... J'ai failli l'échapper. Ouais, demain, on a le Nintendo Switch, 1-2 Switch. Ça va être un gros party demain, Arcade MTL. Puis les vendredis aussi, ce vendredi ici, on a Soul Calibur 2 au GameCube. Fait que on a la merveilleuse princesse Zelda dans son habit vert qui se bat dans Soul Calibur. Mais je vais prendre... Puis plein d'autres choses chez Arcade MTL. Je prends ton intervention à la volée. J'ai vu une pub passer aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas. On close le show, les boys, go! Non, mais ils peuvent aller. C'est Louis, Arcade Montréal. Il y a une pub qui roule en ce moment qui dit, genre, si vous avez genre tant et tant d'invités, vous pouvez louer comme la salle privée, si vous voulez. On le fait déjà, ça fait longtemps. Oui, ça. Mais là, il y a une pub qui roule en ce moment. C'est que si jamais ça vous intéresse, les gens, ils ne savent pas, vous pouvez faire des événements privés chez Arcade Montréal. Puis pour l'avoir déjà presque fait, c'est fucking awesome. Et Guillaume, où on peut te rejoindre? Merci, hey, Guillaume. J'ai pris mon défi à la volée là, il y a deux semaines, donc l'épisode 95. J'ai remis mon site web en état de fonction. Donc, guillaumehamel.com est accessible, fonctionnel. Max Gagnon, notre collaborateur, m'avait mis au défi. J'ai dit, you know what? You dare me? I act and I acted. C'est juste ça que ça prend? Pas tout le temps. Mais ce coup-là, c'est ça que ça a pris. Puis il y a aussi le fait que j'ai une conférence WordPress qui s'en venait. Sinon, si vous voulez battre l'hégémonie de Facebook, vous pouvez venir nous rejoindre au geekcollectif.com. C'est quoi un sac de frappe? Un jour, je vais le closer comme il faut, cette show-là. Un jour. Un jour. Pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Guys, un gros merci d'avoir été avec nous. L'épisode va être en ligne d'ici 2 à 3 semaines. Oh. Même pas vrai, le 94 va être en ligne dans 2 à 3 semaines. La raison est simple, je pars en vacances. Fait que pendant les vacances, on va avoir 3 épisodes qui vont sortir back-à-back, les nouveaux épisodes dans le studio. Un gros merci à vous. On vous invite à follow la page sur Twitch pour les gens qui ne l'ont pas déjà fait. twitch.tv/gcpodcast. Et sinon sur facebook.com/geekcollectiflepodcast. Et sinon sur geekcollectif.com. Sur Pinterest. On a-tu un Pinterest? Pas encore. Je sais pas, c'est pas mais ça. Ah non, c'est un Patreon. Le non, mais on avait Google, bon. On avait Google Plus pendant longtemps. Qu'un de nos fans faisait. Mais on n'a plus. Fait que guys. Un fan, c'est un ami. Ben, un fan ami, là. Et sur ce. Nouvelle série de DuckTales. C'est tough, honesty. Fait que guys, merci. Bonne soirée à vous. Et à bientôt. On vous aime. Au revoir. Nouvelle série de DuckTales. We're out.